Vous êtes à Sifu pour l'écouter. 89.1. Le plan d'aujourd'hui, assemblage Ricky. Sébastien Gartin déblayera mon cerveau de toutes les informations dans son bulletin Gartin. Et je vous annonce, oui, une grosse bordée de café dans ma chronique. Tania is gonna interfere. Ouais, des phrases. Assemblage Ricky commence tout de suite. Assemblage Ricky pour toi, aujourd'hui. Assemblage Ricky pour toi, aujourd'hui. Bienvenue à Assemblage Rocky en ce mercredi 13 décembre 2017. On est à 135 jours de la fin de l'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. On est en direct des studios de Sifu à Trois-Rivières. On est arrivé en un seul morceau ce matin. Oui. Ça s'est bien passé. Quand même. As-tu bien dormi? J'ai peu dormi parce que j'avais un souper de Noël hier soir. Ça s'est terminé, je vais dire, quand même tard. J'étais chez moi à 11h45. Qu'est-ce que c'est pas si tard que ça? À ce coup, c'est à 9h. Mais dans la tête d'une fille qui se lève à 4h30, c'était tard. C'est vraiment tard. Ce matin, je me suis réveillé sans faire exprès à 4h30 à cause de... Peut-être que tu connais ces sons-là, tu sais, genre de... Tu sais, que t'entends tout le temps, là. Ah. Ça, là? Ouais. C'est le fun. Je les apprécie. Je suis très reconnaissant. Oui, vraiment. Il faut les remercier parce que probablement que les déneigeurs qui sont là ce matin sont les mêmes qu'hier matin. Peut-être, ça se peut. Tu sais, comme ils ont passé 24 heures à faire du déneigement. Hein. Ouais. Donc, oui, on les remercie. Merci beaucoup. Ils dorment autant que nous, mais pour d'autres raisons. Eux, gèlent les fesses. Exactement. J'ai aimé aussi devoir marcher complètement dans la rue, hein, parce que les trottoirs pour les piétons, si vous êtes piétons, sortez vos raquettes, s'il vous plaît, ce matin. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'il faut marcher dans les rues. Tout à fait. Hein, la rue, l'embranchement qui fait sortir sur le boulevard des Récollets à partir du boulevard des Forges, c'était de la neige. Oui, puis si jamais vous vous sentez l'âme charitable aussi ce matin, ben pensez peut-être à vos voisins qui sont peut-être un petit peu plus âgés. Ouais. Pas nécessairement la possibilité de pouvoir aller déneiger eux-mêmes. Si jamais vous avez une belle, là, c'est quand même assez rapidement fait de pouvoir déblayer au moins l'entrée. Ouais. Moi, j'ai des voisins qui sont probablement plus en forme que moi. OK. Donc, je fais mon paresseux et je ne passe pas l'appel. Je m'en veux énormément. Ouais. Mais je continue, tu sais. Bon. Hein? Hein? C'est ça. Des choses guéries. Qu'est-ce que tu veux? J'ai pas le dos pour ça. C'est comme mon ça. Bon. Donc, voilà. C'est ce qui passe aujourd'hui en météo. La raison qu'on peut en parler en long et en large, c'est qu'on a un petit peu d'attente du côté de Sébastien Viartin qui devrait s'en venir dans les prochaines minutes. Mais quand même. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne peuvent pas être là. Non. Malheureusement. Normalement. Hein? Température, hein? Le veut. Ben, c'est ça. C'est pas mal ça. Les fins de session aussi. Oui. C'est pas juste une question de météo. Alex Marchand peut pas être avec nous pour sa chronique Dans ma tête, qui est habituellement à 8h. Pas de réponse de David Ferron en ce moment, mais peut-être. Allons-nous l'avoir à 8h30. Marc Lachance non plus pas de réponse, donc peut-être qu'on va l'avoir à 9h30. Ça me surprendrait qu'on ait une chronique d'improvisation à 9h, parce que Gabriel Béhoud ne peut pas être là non plus. Donc on va pas mal se divertir nous-mêmes pendant ces trois prochaines heures, Tania, mais on est habitués. Ben oui. C'est comme ça que ça se passe des fois, faut faire avec. Ça vient avec l'émission. Pas le choix. Donc, Sébastien Viartin, tout à l'heure, mais avant ça, en même temps que les camions font leur bruit, on écoute Joe Rocca avec Around Us sur C'est fou. Ça me fait m'ennuyer des petits oiseaux qu'on mettait par-dessus le fond l'été. C'est vrai, hein? L'hiver, ça peut être ça. Oh. Le camion. Là. Ouais, je suis d'accord. C'est un assemblage rookie. I'm the one never doubted. Est-ce que je suis bien gone? On s'est mis downtown, je l'ai mise en attente. Elle raconte à toutes ses copines en ville qu'on a baisé ensemble. Je l'ai laissé en transe, elle est capable d'en prendre. C'est une série box dans la chambre, when I beat it up en 3 rounds. She want revenge, I'ma hit it again. She bringing her friend, I'm ready baby. Est-ce que je suis béni ou down? Est-ce que je suis béni ou down? Counting money, I'm count. Fly girls be around. Counting money, I'm count. Fly girls be around. Counting money, I'm count. Fly girls be around. Fly girls be around. Fly girls be around. Fly girls be around. Fly girls be around. Et ma dis-moi, je suis down. Est-ce que je suis béni ou down? Est-ce que je suis béni ou down? Fly girls be around. On est sorti all dressed. On a fini pretty messed. Elle m'a dit tu fais ça comme personne. Non, she give me head et vice versa. Shorty m'a donné son cœur. Tous les jours mon anniversaire. Shorty m'a donné son cœur. Tous les jours mon anniversaire. J'ai un restaurant. Juste du champagne dans mon estomac. Tout le monde me regarde dans le restaurant. Mon off fait crier fuck the rest of them. She the realest. She looking good on my fitted. She said if you want it come get it. I said move that booty I'm with it. Fly girls be around us. Est-ce que je suis bien gone? Counting money I'm counting. Fly girls be around us. Elle m'a dit moi j'suis down. Elle m'a dit roll her ounce. Boy ton weed is so loud. Elle m'a dit moi j'suis down. Fly girls be around us. Fly girls be around us. Fly girls be around us. Fly girls be around us. Elle m'a dit moi j'suis down. Est-ce que j'suis bien gone? Est-ce que j'suis bien gone? Fly girls be around us. Joe Rock, Around Us, un peu comme quand tu mets du spray dans la salle de bain, là, ça sent beaucoup trop, puis là t'en as partout sur le corps, les gars. Exactement. Bref, Joe Rock, je peux te le répéter parce que je pense que tu me l'as demandé trois fois. Je l'ai noté, c'est fait. Joe c'est... Rock, Around Us. Around Us. Vous êtes toujours à Assemblage Requis. On a dit tantôt que bon, l'hiver, des fois, peut être un petit peu plus difficile que prévu. Donc, Sébastien et Yves Gartin s'en vient dans les prochains instants. Avant ça, par contre, ça nous donne la chance d'entendre une chanson de Noël. Oui. Notre directeur musical, Alain Lefebvre, qui voulait la mettre sur le palmarès, finalement, il n'a pas osé. Ah, pour vrai? Ouais, mais il nous l'a quand même envoyé parce qu'apparemment que c'est quand même bon. OK. Un peu genre R&B style. On aime ça. Blues un ouais. peu. Ça s'appelle Goodbye Psychotic Christmas. C'est par My Son The Bomb. Et on écoute ça tout de suite à Assemblage Requis. Goodbye Psychotic Christmas. I was drowned. Given to me by others to buy my love, but I knew it was all out of guilt. But I knew it was all out of guilt. On this day. My Son The Bomb avec Goodbye Psychotic Christmas. Je m'en ai prononcé le P. Ah ouais, j'ai vu ça. Parce qu'on discutait en ronde que le P dans Psychotic n'est pas prononcé et que le L dans Faux n'est pas prononcé non plus, sauf sauf dans quand tu le dis, tu le sais qu'il est là. Tu sais, genre, tu surtout au Texas, mais en tant que tel, t'es pas supposé le dire, le L. C'est pas folk, c'est folk. Donc, il y a une... Folk. C'est la langue qui va comme toucher le palais au fond. Bref, hein, sur ces trucs de langue, hein, on va faire des listes, mais de Noël, vu qu'on vient d'entendre une chanson de Noël, voici son foutu palmarès. Jusqu'à ce que je tombe sur sa sur un sujet plus ou moins précis. On a du Noël à faire pour pas mal le restant de la session. J'ai pas mal d'articles de Noël. Donc, on connaît les arbres, on connaît les décorations, le gui. C'est quoi, les couronnes, je pense, de Noël? Ouais, les couronnes. Tu sais, comme celle de chez Pacini qui va s'envoler à cause du vent. Oui, c'est vrai, tu m'as dit ça hier. C'était hier, ouais, c'est ça. Ça se passe pas bien de ce côté-là, hein? La boucle était dans le vent. Je me demande si ça a tenu toute la journée. Ils l'ont-tu enlevé? T'es passé devant ce matin? J'ai pas regardé, je me rappelle pas, je m'excuse. Moi, je fais pas de suivi dans la vie. C'est incroyable. Bref, il y a des gens partout, comme ça, aux États-Unis, entre autres, et ailleurs, qui décorent d'autres façons, de façon, on pourrait dire, inconventionnelle. Hein? Donc, commençons une petite liste d'alternatives régionales au sapin de Noël. On commence par le cactus. Le petit cactus. Devine, c'est où? Au Texas. En Arizona. Ouais, c'est ça. Donc, en Arizona, dans le Sonoran Desert, ils sont connus pour toute leur variété de cactus. En anglais, au pluriel, c'est des cacti, tu savais ça? Ah ouais? Ouais. Non! Un cactus des cacti. Ah ben, Moses! Intéressant. Donc, du saguaro au prickly pear, différentes sortes de cactus. Il y a des familles dans le sud-ouest qui incorporent... Sud-ouest, en passant... Comme la sauce? Non. J'allais dire Doug Jones. Oh. Bravo. Donc, des familles dans le sud-ouest qui incorporent les cactus dans leur célébration de Noël. Mais un hôtel à Tucson, en Arizona, amène ça à un tout autre niveau. Une autre affaire de prononciation sur Tucson, hein, tu savais? T-U-C-S-O-N, on le prononce Tucson, on ne prononce pas le C. Ah, oh, ouais? Pareil comme dans Psychotic, dans pareil. Folk. On a des ateliers de langue d'appellation aujourd'hui avec Mathieu. Ben, ça m'intrigue, ces affaires. Donc, chaque Noël depuis 1986, le Westin La Paloma Resort and Spa montre son arbre de Noël qui s'appelle le Golden Barrel Cactus Christmas Tree. C'est fait de 17 rangées de 300 tout petits cactus ronds. L'arbre de 24 pieds est décoré de rubans et de lumière. Mm-hmm. C'est joli. Ça doit être très, très cute, ouais. Ouais, ben la photo s'affiche pas, mais j'imagine que c'est... Non, c'est ça, ensuite... ça doit être beau. T'sais. Ensuite, en Floride... Hein? Ouais. Le sable est utilisé comme arbre de Noël. Ah ouais? Je te jure, étant donné les températures chaudes, en tout cas au moins tiède. Un peu comme un château de sable dans le fond. Comme un château de sable. En Floride, on est très familier avec le sable, pas mal plus que la neige. Donc justement, pour rendre hommage à la météo du Sunshine State, il y a des Floridiens qui vont célébrer Noël en allumant un arbre fabriqué avec du sable. Au West Palm Beach Waterfront, les sculpteurs du sable donc vont créer un arbre de Noël de 35 pieds de haut, fait entièrement de sable. On le surnomme Sandy. Hein, mm-hmm. Sable, Sandy, comme le prénom. Hein. Donc l'arbre. Sandy, comme dans Grease. Okay, excuse-moi. Exactement comme dans Grease. Exactement. L'arbre pèse environ 600 tonnes. Eh my god! Ouais, ben c'est ça, c'est du sable. Puis pour que ça tienne, il faut que tu le mouilles, non? Probablement. Probablement, bon ça peut pas. Très bon point. Ça peut pas tenir si tu le. Non. Et puis en plus, il y a des formes dedans, il y a des décorations. Ouais, tout, c'est ça. Non. C'est sûr que c'est pas juste du sable. C'est sinon, ça ressemblerait à ce qu'il y a à Trois-Rivières-Ouest à côté du Archambault. Les piles de sable. Ensuite, on va dans le sud de la Californie pour des poinsettias. OK. Il n'y a pas de personnage en Grease qui s'appelle poinsettia. Non, malheureusement. Donc, poinsettia, c'est une décoration de Noël assez populaire un petit peu partout, mais dans le sud de la Californie, on montre notre amour pour la plante mexicaine d'une façon particulière. Les résidents de San Diego vont se rassembler dans la petite Italie, donc dans le quartier de la petite Italie, pour regarder cet arbre de poinsettia. On dit qu'il y a un millier de plantes de poinsettia qui sont empilées pour faire un arbre de Noël de 25 pieds de hauteur et ensuite on le décore avec des milliers de lumières LED. Mais c'est tellement beau! Très, très joli, ça. Vraiment. C'est très rouge. C'est très... c'est très traditionnel. Tu sais, couleurs de Noël, rouge, or un petit peu. Oui. vert, un petit minimum vert, de vert. Ouais, c'est ça. Et on le voit sur la photo, c'est vraiment un très beau cadrage avec un arrêt stop à côté qui a le même genre de rouge. C'est très. Ouais. Ben, pas exactement, non. Puis une annonce de la petite Italie. Oui, avec aussi. Avec un sergent. Sergent. Barcelone. Ça fait vraiment petite Italie, hein? Barcelone. Ensuite, on va en Nouvelle-Angleterre pour des pièges à hamster. Wow. Des pièges à homard. C'est lobster, hamster, mon cerveau. Hein? Mm-hmm. Bref, pourquoi décorer un conifère quand on peut faire un arbre de Noël avec des centaines de trappes à homards? Les crustacés font partie de la vie en Nouvelle-Angleterre, donc on peut voir cet arbre de Noël-là dans des villes comme Gloucester, dans le Massachusetts. Oui, c'est ça. Gloucester, dans le Massachusetts. Mm-hmm. Est-ce qu'on prononce comme ça, celui-là? Oh, le son de l'angle. Il me semble que c'est Gloucester, mais je suis pas sûr si c'est pas Gloucester, mais il me semble que c'est... Chester, bref. Dans le Massachusetts, ça aurait du sens vu qu'il y a beaucoup de ch-ch-ch dans ce monde. Et Rockland, dans le Maine. Les arbres, souvent, sont en bois. OK. Donc, c'est du bois ou des pièges à homards qui sont empilés un par-dessus l'autre. Oh my God! Et ensuite, on ajoute une lumière, une étoile traditionnelle au sommet ou encore une figurine d'un homard. Cute, hein? Oui, oui. Oui, mais non. Je suis pas sûr, ouais. C'est ça, le homard... Ça vient moins chercher mes valeurs traditionnelles. Un petit peu. Hein. Quoi qu'il y a avec du beurre? Ensuite, on va au Colorado avec de vieux skis. OK. À la place de jeter leurs vieux skis, les gens du Colorado vont les donner à l'arbre de Noël de Telluride. Depuis 2013, les membres de cette ville de ski... Ski Town, la ville de ski... ont créé cet arbre fait à partir de nombreuses couches de skis. Avec une étoile sur le sommet qui est faite à partir de bâtons de ski. Les gens de la place se rassemblent pour célébrer, oui, l'éclairage, l'allumage de cet arbre-là et d'un feu. Ils vont brûler du bois et Je pensais qu'ils brûlaient les skis. Non. Ben, en fait, ils vont brûler des skis de carton. Ah. Pour célébrer Uller, qui est le roi du ski chez les... Norvégiens. Non, je pense pas. Non, Norse. Norse. On dirait un morse, mais c'est pas ça. C'est les Scandinaves. Ah, OK. Voilà, ou des fois le norrois pour la langue. Ouais. Bref, c'est le dieu scandinave du ski. Ensuite, on s'en va en Caroline du Sud. Du Sud, oui, c'est ça. Pour les palmettos, une sorte de palmiers. Ah, ben oui, les palmiers. Ouais, donc si on visite Charleston pendant Noël, on va voir tout plein d'arbres palmetto, très festifs, décorés avec des lumières. C'est donc l'arbre de l'État de la Caroline du Sud et de la Floride aussi. Le palmetto est partout dans la ville, donc c'est parfait comme alternative pour la météo chaude. Même si la plupart des résidents célèbrent Noël avec des conifères traditionnels aussi, étant donné qu'il y a beaucoup de palmetto, c'est difficile de les ignorer parce qu'ils sont décorés là-bas. Ensuite, en Alabama, ce qu'on appelle le tumbleweed. Ouais. Comme on voit dans les films de cowboy, l'espèce de mousse là, qui vole d'un bord à l'autre. Là, oui. En silence. Bref, il y en a beaucoup là-bas, dans les parties un petit peu plus éloignées du sud-ouest. Et à Chandler, en Arizona, les gens là-bas utilisent le tumbleweed pour célébrer Noël depuis 1957. Ils font donc un arbre de 30 pieds de haut. Les employés de Chandler Park Operations rassemblent 1000 de ces bottes-là. Elles vont attacher... c'est des plantes, en fait. Ouais. Vont les attacher à du métal en forme d'arbre. Donc, mm-hmm. des tiges ou de la broche, comme on l'appelle. Ouais. Et puis, ils vont mettre de la peinture blanche en spray okay. et des brillants sur les plantes. Ah, mais c'est vraiment beau. Ouais, et ils décorent ça avec plus de 1000 lumières festives. Wow! Ça, c'est quand même assez... Ça a l'air de du foin séché, en fait. Ouais, ben en français, apparemment qu'en français, on appelle ça du virevoltant. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Du virevoltant? Ouais, c'est une plante xérophyte poussant dans les déserts ou les milieux arides. La partie hors du sol qui, une fois mûre et sèche, se sépare de la racine. Mais il y a une petite vidéo. Je vous invite à aller le voir sur la page d'assemblagerequipe.com. Ouais. C'est super cute. Vraiment très joli. Et le dernier, on s'en va au Tennessee. Mm-hmm. Ouais, avec des barils de whisky. Ah ben oui, évidemment, un petit classique, hein, le Tennessee. La distillerie de Jack Daniel's est située là-bas. Elle est célèbre partout dans le monde pour son whisky authentique. Et grâce à la compagnie d'alcool, les membres de la communauté de Lynchburg peuvent célébrer, oui, donc cette fête-là en regardant l'arbre composé de barils de whisky de la compagnie. C'est fait à partir de 140 barils vides de whisky. L'arbre fait 26 pieds de haut et pèse 16 000 livres. Aïe, aïe. Impressionnant. Mais évidemment, les barils sont vides. Oui. C'est pas d'aller chercher du Jack Daniel's dedans. Ben c'est ça, les vols c'est assez facile. Non, ben oui. C'est assez facile. Voilà, donc pour cette petite liste dans son foutu palmarès. Continuons avec une autre chanson de Noël. On l'a écoutée hier, mais on l'a beaucoup aimée. On a même parlé par après avec des collègues tellement c'était le fun de l'entendre. Oui! Donc, je sais de laquelle tu parles. C'est celle d'Otari. C'est bébé, il fait frais dehors. Ouais, il fait frais, c'est ça, je dis. Il fait frais dehors. Surtout à madame, il fait frais dehors. C'est pour ça les retards aujourd'hui. Sors ton balai. Sébastien s'en vient. Ben oui. Garde, pour toi. Je peux pas rester. Oui, mais bébé, il fait frais dehors. Faudrait que je m'en aille. Oui, mais là, bébé, il fait frais dehors. C'était une belle soirée. J'étais bien content que c'était tu pars. Vraiment nice. Va prendre tes mains, ils sont comme de la glace. Ma mère va sûrement s'inquiéter. Ta mère, elle peut bien aller chier. Puis mon père risque de se fâcher. Il serait fier de mon feu de foyer. Faudrait vraiment que je parte tout de suite. Lâche ta sacoche, assis-toi. Je te prendrais peut-être un autre eggnog. On met ma cassette de le même toi. Voisin nous regarde. Mais non, c'est ma crèche vivante. Qu'est-ce que t'as mis dans mon drink? Bébé, les métros passent plus. J'aimerais bien savoir. Ton père, c'est-tu un voleur? Comment dire non? Il a volé toutes les étoiles du ciel, puis les a crissées dans tes yeux. Je devrais te dire non, monsieur. Ça te dérange-tu, je me mets en bas? Ce sera pas faute d'avoir essayé. Garde pas de poche, pas encore bandé. Je peux pas rester. Fais donc ce que tu veux, mais il fait frais. Dehors. Oui, il fait frais. Dehors. Faut vraiment je m'en aille. Ouais, mais là, il fait frais dehors. Je t'ai déjà dit non. Bébé, il fait vraiment frais dehors. C'était bien le fun de te voir. On s'est même pas mis tout nu. Mais là, t'es sous. Ben non, c'est toi qui me fais de l'effet. Ma soeur est avec de m'pager. Ta soeur est-tu plus jeune que toi? Mon frère est avec de débarquer. Il va avoir de la misère à se parquer. Ma tante, je suis née en psycho. Penses-tu qu'elle a des bonnes pilules? Je te prendrais peut-être une crème de menthe. Manges-tu les guirlandes en popcorn? Je rentre à la maison. Veux-tu vraiment te geler le cul? Me passes-tu ton coat? Mais pas bête, ça ferait-tu pareil? T'es un ben bon gars. Attends de me toucher ma graine. Mais tu comprends pas. Je viens de la passer au lavabo. Le monde va jaser dans notre dos. Le monde jase déjà dans notre dos. Pour une fois, ce serait croustillant. Aide-moi à déplier le divan. Je peux pas rester. Tout nu sur le plancher parce qu'il fait frais. Que c'est beau! Bébé, il fait frais dehors, de Otari. Assemblage requis, ça réchauffe le cœur. C'est notre nouvelle tune favorite. Ah, on pourrait la jouer chaque jour de l'hiver, en tout cas. Jusqu'à Noël, au moins. Hein. On était dans son foutu palmarès tout à l'heure. On va continuer sur la même lignée avec des petits faits sur Rodolphe. Le petit reine au nez rouge. Uh-huh. Tu connais les... je te les ai déjà dit, hein, les reines du Père Noël l'autre jour, là, que je les connaissais par cœur. Hein. Oui. T'avais dit ça, tu te rappelles? Oui, oui, oui. Toi, t'es connais, moi, non. Oui, j'y connais par cœur. Hein. C'est... Trompeur. Tornade. Oui. Trompeur. Il n'y a pas de trompeur là-dedans? Non, il y a tonnerre, tornade. Okay. Danseur, furie, frayant, comète, cupidon, tonnerre, Rudolph. Éclair et Rudolph. Hein? Ou en anglais, Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner, Blitzen, Rudolph. Hein? Voilà, c'est ça, exactement. Et comme j'avais dit l'autre fois, en espagnol, c'est en plein ça. Donc, sur ce temps gaspillé de l'émission, parlons donc de Rodolphe, qui n'a pas toujours été la vedette, hein, parce qu'il n'existait pas jusqu'en 1939. Quoi? Ma vie de jeunesse est un mensonge. Les autres existent depuis « Twas the Night Before Christmas » de Clement Moore, Clément Morin en France, qui a été... C'est pas vrai. Tout ce que je dis n'est pas nécessairement vrai. Mais Clement non. Moore, c'est pas Clément Morin, allô. Donc, il a été écrit en 1823. Donc, voici quelques petits faits. Rodolphe, qui a été écrit pour Montgomery Ward. En 1939, les gens de Montgomery Ward, ça, c'est un magasin à grands rayons, là, mm-hmm. Qui ont décidé qu'il avait besoin d'un personnage pour des livres à colorier gratuits. OK. Qu'il donnait aux enfants qui visitaient le Père Noël. Donc, ce personnage-là finit par être Rodolphe, qui était donc un succès, qui est devenu un succès immédiat chez les enfants. Montgomery Ward a donné 2,4 millions de copies de ce petit livret de Rodolphe dans la première année. Hmm. Ensuite, l'écrivain, l'auteur, celui qui a inventé le personnage, vivait une période difficile. Robert May, qui écrivait donc pour le catalogue de commandes par la poste de Montgomery Ward, a été l'employé qui devait donc écrire l'histoire et créer un personnage qui allait être facile à vendre aux enfants, donc pour le livre à colorier. May a débuté son processus en 1939, au début de l'année, mais cet été-là, sa femme est morte d'un cancer. Oh. Donc, il est devenu veuf avec une fille de 4 ans. OK. Ouais, donc son patron a essayé de réassigner le projet à quelqu'un d'autre, mais May a insisté. Il voulait le terminer lui-même. Il avait besoin de Rodolphe plus que jamais, a-t-il admis. Il a complété l'histoire au mois d'août. Donc, on se rappelle que c'est au début de l'été que sa mère, que sa femme... Non, l'été. C'est au début de l'été, ouais. Pendant l'été, que sa femme est morte du cancer, hein? Je suis mêlé dans mes affaires. Bref, ça va. Montgomery Ward aurait pu garder le copyright, le droit d'auteur pour eux, la chaîne de magasins, mais ils ont décidé de donner ça à M. May, qui avait de la difficulté financièrement en 1947. Bravo. Il aurait pu s'appeler Rollo ou Réginald, ah, à la place de Rodolphe. Je pense que j'aime mieux Rodolphe. Ouais, moi aussi. C'est parce qu'on est attaché à ça. Hein? Ouais. D'autres noms ont été considérés avant que May choisisse le nom qu'on connaît aujourd'hui. En anglais, Rudolph. Rollo a été rejeté parce que ça sonnait trop heureux. Ah, trop ensoleillé. Okay. Ouais. Ben, moi, je trouve que ça sonne trop chocolat. Ouais, parce qu'on est attaché au chocolat. Ben, chocolat Rollo, ouais, ça. Exactement. Réginald, c'était trop britannique. On a aussi pensé à Roméo et à Rodney. Roméo, ça aurait pu fonctionner. Ouais, quand même. Ouais, ouais. L'histoire d'origine de May, donc Monsieur May, hein, il pourrait avoir, oui, son propre film de Origin Story, est un petit peu différente. L'histoire de Monsieur May qu'il a raconté, donc, est différente de la chanson. Dans l'histoire du livre à colorier, le Père Noël trouve Rodolphe alors qu'il était en train de livrer des cadeaux au village des reines. Oui. Dans l'histoire, le Père Noël avait souvent des problèmes à livrer les cadeaux parce que personne ne se souvenait de laisser la lumière allumée. Hein? Et dans la maison sombre de Rodolphe, le Père Noël s'est enfargé sur le tapis et est tombé sur le dos. Lorsqu'il a découvert Rodolphe et son nez brillant, donc une ampoule lui est passée au-dessus de la tête, mm-hmm, et il a invité Rodolphe à le suivre pour le reste de son aventure. Rudy laisse une note à ses parents et puis aide à sauver la journée. Aww. Cute, hein? C'est très mignon. Rodolphe avait presque une façon différente de guider le Père Noël. À la place donc d'avoir un nez rouge brillant qui passait à travers la brume et tout ça, May a déjà considéré donc de donner des yeux qui ressemblaient à des lumières de voiture. Hein? À Rodolphe, wow, minute, là, pour éclairer le passage, je te jure. Après avoir pensé un petit peu à ça, il a décidé les enfants auraient plus de chances de rire d'un nez rouge que de gros yeux. Ben oui. Donc, tu sais, comme dans la chanson, on la connaît. Ensuite, en Finlande, on appelle Rodolphe Piteri Punakuono. C'est un peu plus long, hein? Petit peu plus long. Donc, c'est son homologue, si on veut, finlandais. Ça ne marche pas, homologue, car c'est pas le même nom. Hein. Piteri, là. Ouais. Pas, Piteri Punakuono. Donc, la légende finlandaise du Père Noël qu'on appelle là-bas Julupukki. OK, hein? Ben oui. Lui, il ne nomme pas ses reines de la même façon que nous. Donc, le début de la chanson, évidemment, on commence pas pareil. À la place, mm-hmm, de faire la liste des reines, la version finlandaise dit quelque chose comme « Vous vous souvenez de Cendrillon, de Blanche-Neige, de la Belle au bois dormant, de la petite, du petit chaperon rouge et du loup gris. Okay? » Mais ce reine est souvent oublié. Ah. C'est comme ça qu'on commence la chanson en Finlande. Ouais. On continue avec un fils pour Rodolphe. Son fils s'appelle Robbie, selon la BBC. Rodolphe a un fils? Ouais, la BBC a développé 3 dessins animés basés sur les enfants de Rodolphe, mais le nom du célèbre père de Robbie est jamais mentionné dans l'émission. On fait juste référence au fait que c'est un reine, mais on dit pas le nom de Rodolphe, j'imagine, à cause du droit d'auteur. Le scénario nous parle d'un vilain de la série Blitzen qui n'arrive pas à... qui ne veut pas entendre le nom de Rodolphe. Un peu comme dans Harry Potter, on veut pas entendre le nom de l'autre. C'est ça. Moi, je dis-le pas. C'est celui dont ils ne font pas c'est ça. C'est ça. En réalité, c'est vraiment parce que la BBC a pas pu avoir la permission, mais dans le dessin animé, ils ont comme trouvé le prétexte que le gars, il voulait vraiment pas entendre ce nom-là. Donc, bref, si vous voulez aller voir sur YouTube, c'est là. Hein? C'était diffusé un petit peu partout dans le monde. C'était diffusé en anglais avec des voix doublées américaines à la place de britanniques. Ah, okay. Ensuite, la chanson, il nous en reste quelques-uns à peine, sont très très courts les derniers. La chanson de Rodolphe a été enregistrée une décennie après l'invention du personnage. C'est le beau-frère de May, Johnny Marks, qui a écrit les paroles pour la célèbre chanson. Gene Autry, c'est lui qui l'a enregistrée. Autry a presque légué la chanson, mais sa femme lui a légué comme l'a donné à quelqu'un d'autre. Ouais. Mais sa femme l'a convaincu de l'enregistrer. Avec plus de 150 millions de copies vendues, c'est maintenant la deuxième chanson de Noël la plus vendue, juste après White Christmas de Bing Crosby. Johnny Marks, je dirais auteur, compositeur. Ouais. Songwriter, on va dire de même. Hein? C'est ça. Songwriter. Donc, Johnny Marks, qui se spécialisait dans les chansons de Noël. Il faut le remercier, en fait, pour Rodolphe, mais aussi pour la chanson I Heard the Bells on Christmas Day, Rockin' Around the Christmas Tree, Silver and Gold et Holly Jolly Christmas. Non. En plus de chansons de Noël un petit peu moins connues. L'ironie de la chose, il était juif. Non, pas vrai? Te jure. Ça me fait vraiment penser à... On peut amener... On peut amener Sébastien Aviertin pour parler de Roy Moore un petit peu. Hier, sa femme qui a dit genre... ah, mais tu sais, notre comptable, il est juif! Hein? Alors qu'elle s'est fait accuser de racisme. Franchement. Elle a fait une face. Ah, ça, c'est le... les élections là qu'il y avait... au niveau local en Alabama. Oui, c'est ça, en Alabama. Puis que, ouais, c'est ça. C'est la femme du candidat républicain, quand même, les républicains veulent pas voir là parce qu'il y a des accusations. C'est ça. Violeur d'enfant. Hey, c'est... Mais même, ça va pas bien là-bas. Ils sont fait accuser de racisme. Puis que la femme a dit, genre, notre avocat, il est juif. Ouais, c'est hein? ça. C'est comme. Moi, je suis pas hispanophobe. La preuve, les trois femmes de ménage que j'engage, que je paye au noir, sont mexicaines. Et j'ai des amis gays. Ridicule. Tu sais, j'ai déjà rencontré quelqu'un gay dans ma vie. Fait que j'ai des amis gays. C'est n'importe quoi. Il nous en reste trois. Vu qu'on a commencé, il faut bien finir. Rankin Bass n'était pas le premier à mettre Rodolphe à l'écran. Donc, l'émission qu'on connaît tous en 1964, Rankin Bass, l'émission en stop motion, en genre de pâte à modeler, c'est l'émission de Noël qui dure le plus longtemps de toute l'histoire, en fait. Mais c'était pas la première émission à amener Rodolphe au petit écran. L'honneur va à Fleischer Studios, qui a le droit de ce dessin animé de 1948 qu'on peut voir sur assemblagerequis.com, qui était en fait une publicité pour Montgomery Ward, les mêmes que le petit catalogue de tantôt. Ah, OK. Les marionnettes, tu vois, je pensais que c'était de la pâte à modeler, mais c'est des marionnettes, utilisées dans l'émission de Rankin Bass, ont été redécouvertes, les marionnettes, en 2006. Elles ont refait surface à l'émission Antiques Roadshow, tu sais, le truc où tu fais estimer la valeur de tes objets précieux. Oui. Ouais, donc ça, c'était en 2006. Mais pas tous, seulement le Père Noël et Rodolphe. Une femme qui a travaillé pour Rankin Bass les avait dans son grenier depuis au moins les années 70. Oh my God! Avant ça, elle a laissé ses enfants jouer avec. J'en doute pas. Aïe, aïe. Mais là... Non, mais elle savait pas que c'était des originaux, j'imagine. Je sais pas, je ne peux que présumer, c'est pas écrit. Mais même si c'était des originaux, tu sais, dans ce temps-là, là, tu dis, OK, c'est des marionnettes, ouais. Là, tu penses pas que ça va valoir. T'as raison, mais tu sais, les enfants, ils mettent leurs mains à des endroits. Ben, des marionnettes, ils l'ont. Comme Roy Moore! Rodolphe a perdu son nez rouge et le Père Noël avec délai et le Père Noël a perdu ses sourcils. Les marionnettes ont été restaurées après leur visite à Antiques Roadshow. Depuis, elles sont au Center for Puppetry Arts et le nouveau propriétaire espère que les marionnettes vont pouvoir partir en tournée un jour pour que les gens puissent s'amuser avec. Et la chanson est toujours sous copyright en même temps que Jingle Bells, Deck the Halls, Silent Night, Rudolph the Red-Nosed Reindeer, les d'autres chansons de Noël comme ça. Rodolphe est en fait contrairement aux trois premières, mm-hmm. Rodolphe, elle, est toujours sous droit d'auteur. Même que son image est toujours sous marque de commerce. Ceux qui fabriquent la bière Rudolph's Reserve l'ont appris à la dure en 2003. Ils ont dû changer leur nom pour Rude Elf's Reserve. Rude Elf au lieu de Rudolph. Ben ouais. Fantastique. Bon, voilà, j'ai terminé la chronique que j'avais commencé et c'est le moment d'accueillir celui qu'on a entendu. Celui qui était pas au courant tant que ça de ce qui se passe en Alabama. Moi, j'ai l'impression, vu que je vis dans un monde très américain dans mes nouvelles, je suis comme trop au courant de ces affaires-là. Ben, c'est j'étais au courant, j'ai juste été là sur le start, honnêtement. Okay. Comme pas en témoigner l'heure à laquelle j'étais arrivé. C'est, hein. C'est ça. Là sur le start à matin. Mais ça veut dire quand même qu'on doit prendre une pause et revenir. Il n'y a pas de problème. Non, mais tu sais, on est rendu à demi, c'est ça que je te dis. Ça, c'est correct. J'assume. C'est ça. Bulletin Gertin. Au retour, un petit avant-goût de ce qui s'en vient? Ça va pas parler de Noël. Cool! Ça donne envie de rester. Baby, restez là! Aujourd'hui. C'est fou, 89.1 FM. 89.1 FM. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Toujours à son âge, OK? Ouais. En ce mercredi 13 décembre 2017, elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. On est en train de jaser un petit peu parce que Sébastien a pris un petit peu de plus de temps que d'habitude pour arriver à cause de sa voiture. Il est obligé de déjacker derrière. C'est ça, pareil comme Ron. Non, c'est le contraire. J'ai dû déjacker derrière. Déjacker derrière. C'est que hier, j'ai dû me stationner en gros dans un banc de neige. Et ben c'est ça, le banc de neige était pas c'est lié d'amitié pendant la nuit avec mon auto, ça a l'air, fait que ça a été tout un char de la sortie. C'est ça, tout un char de la sortie, comme de voir genre cruiser avec une fille dans un centre commercial quand elle a 14 ans, la retrouver à son école secondaire, la sortir de son cours de mathématiques pour venir la flirter au téléphone. C'est ce que Roy Moore a présumément fait, c'est wow. Ça. Comme dit Fred Savard, dièse, Roy Moore. Dièse. C'est un peu au Québec, les gens disent carré. Carré. Pas le carré. Ah oui, faites le carré. Sérieusement, le carré. Ben oui, puis l'étoile, c'est quoi, tu l'appelles genre la tache à pattes? C'est quoi? La tache à pattes? L'araignée. La petite araignée. L'araignée. Tache à pattes. Moi, j'appelle mes l'étoile. Araignées. Quand j'ai une araignée chez nous, je fais comme « Ah! Une tache à pattes! » Bon. Bref. Ah, une astérix! C'est ça! Oh, wow! Donc, hey, c'est le moment d'embarquer dans la chronique. Oui. D'actualité, en général. Ouais. Politique, des fois. Mais qui ne touchera pas Noël. Pas de Noël. Non. C'est le bulletin Gartrin. Sébastien Viertin, son bulletin Gartin hebdomadaire. Oui, monsieur. L'avant-dernier de la saison, si on comprend bien. Tu vas être la semaine prochaine, toi? Oui. Cool. Y a-t-il une raison pourquoi je serai pas la semaine prochaine? Je sais pas. Tout le monde s'en trouve une. Oui, c'est ça. Tout le monde est en fin de session, fait que personne n'est là. Ben, moi, j'ai pas d'examen. Fait que... C'est ça. T'es seul. La joie de la rédaction. Ouais, c'est ça. Puis d'ailleurs, un bon gars qui parle de politique, j'ai fait un politicien de moi-même. Mais en fait, c'est pas vrai. Je vais faire une allusion à Noël quand même. Ah, ha, ha. Pourquoi? Parce que la semaine dernière, en fait, je vous ai parlé des beaux cadeaux de Noël du ministre Barrette. Oui. Ça va être une chronique à deux sujets parce que je trouve ça important de rapidement revenir sur ma chronique la semaine dernière, où je m'enthousiasmais de l'ouverture en fait du ministre Barrette à repayer au moins une partie de la psychothérapie la santé mentale. La psychothérapie au privé par la RAMQ. Malheureusement, La balloune fut pétée. Oh non. Parce que quand j'ai fait ma chronique, j'ai fait un truc que je déteste que je déteste quand je me prends à le faire, c'est que j'en ai parlé trop vite. OK. Et sorti les chiffres reliés à ça et bon, en gros, c'est 35 millions ouais. qui est budgété. On calcule qu'on va qu'on devrait couvrir 600 000 consultations en psychologie par année avec ça, mm-hmm. Qui devrait desservir 240 000 personnes. Si on fait le calcul... Ça fait genre une session et demie? Ça fait une session... En fait, ça dépend comment tu le calcules. Ah, okay. Parce que ce qui arrive, c'est que tu prends le 35 millions, tu le divises par personne. Oui. Ça fait 140 dollars par année. On parle de personnes qui ont des problèmes de santé mentale et qui c'est utilisent ça. Ces services-là. Oui, calcule okay. 240 000, donc 3% de la population du Québec. Or, il y a des études qui vont jusqu'à dire qu'il y aurait jusqu'à 19% de la population du Québec qui ont besoin d'aide psychologique. Parce que c'est très couverte par ça. Les chiffres qu'on a de gens qui consultent, ce sont des gens qui ont pu se permettre de consulter. Alors que l'argent est supposé aller à des gens qui ne peuvent pas se permettre de consulter. Donc ça c'est ça. Ben, c'est ce qu'il faut calculer. Bon, en partant, ça reste dans les zones grises de ce qui n'a pas été dit puis de ce qu'on n'est pas sûr, mais étant donné que ça serait couvert par la RAMQ, ça fonctionnerait un peu comme l'assurance médicaments, c'est-à-dire que si tu as une assurance privée t'as pas le choix de la prendre. Avec ton employeur, quoi, t'as pas le choix de la prendre. Ce qui fait que ben il y a déjà des gens qui n'auront pas à être couverts. Bref, donc le chiffre du ministre Barrette, ça, de ce point de vue-là, le 240 000 personnes, bon, ceux-là, on va y laisser, ce chiffre-là. Par contre, le problème, c'est dans le budget qui a été débloqué. C'est que si on calcule déjà juste 240 000 personnes, puis on divise par 240 000, le 600 000 consultations par année, ça donne 2,5 consultations par personne. Ouais. Ce qui est totalement insuffisant. Puis si tu calcules le montant par consultation, ben 140 $. Il y a certaines régions au Québec, vous allez à Montréal, c'est 120 $ une consultation de psychologue. Mais quand même, de l'autre côté, il faut dire que c'est te faire payer une session ou deux versus pas t'en faire payer. Non, c'est un peu dans la bonne direction. Ce que je vais y donner, c'est qu'au moins, c'est qu'il a au moins ouvert la porte à reconnaître qu'il fallait faire de quoi sur ce sujet-là. Mais c'est souvent aussi une session que ça prend pour que le professionnel devant toi te dise

Mais c'est ça. Ça, c'est tout un autre sujet encore. Oui, mon Dieu, un autre débat. Je trouve que je commence à sonner choc des générations. Oui, hein, c'est vrai. Bref, bonne semaine. Merci, Sébastien. Merci, F. Gaffin. Tu es génial. Comme toujours. Mon Dieu. Ouais. Mon Dieu, grosse fleur à matin. Non, mais là, il m'a ouvert la pote. C'est... Imagine mon plan. On te retrouve pour une dernière fois la semaine prochaine. Ok, oui. Mercredi en début d'émission. Ouais. En première heure. Bon. Ça va, c'est ça. C'est on va essayer d'être à l'heure ce coup-là. Ouais, ouais. C'est ça, ça me j'ai de la misère avec ça. J'étais plus organisé cette session-ci, mais j'arrive tout le temps en retard, on dirait. Et on fait avec, on a du contenu pareil. C'est ça. Ben oui. C'est ça. Merci encore, à la semaine prochaine. Ça fait plaisir. Oh, ouais, ouais. Au revoir. On prend une pause. Au retour, Tania. Puis oui. Moi, puis Tania, puis moi, puis Tania, puis moi. C'est ça, c'est on se lance la balle pas mal à matin. Aujourd'hui. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Mercredi 13 décembre 2017, elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Dans quelques instants, on va se faire un petit peu de Tania is gonna entertain ya. Certainement. Mm-hmm. Plus tard aussi, on va s'acheter des gadgets dans 5 secondes, ça devrait répondre là. On va avoir un petit blog des palmarès, c'est fou aussi. D'autres chroniques de Tania, donc on se renvoie la balle, comme on l'a dit. On n'a pas de chroniqueur autre que Sébastien Viertin aujourd'hui. Eh bien non. Et Alex Marchand, qui est à 8h habituellement, ne peut pas être là, il étudie. C'est ça, fin de session oblige ici là. J'ai confirmé que Marc Lachance pourrait pas être avec nous en fin d'émission non plus, donc on n'aura pas de chronique de la huître ni de sa chronique de folerie humaine. Exactement. Malheureusement. David Ferron, c'est pas encore confirmé, mais d'après moi, il viendra. On soupçonne qu'il dort à la bibliothèque présentement. On soupçonne exactement bien les affaires à son sujet. Ils seront de retour probablement la semaine prochaine. Avant de continuer avec ta première chronique, Tania, oui. On va entendre une pièce qui a été un grand succès en 2017. Certainement. Et qui va nous annoncer, un petit peu nous permettre d'annoncer l'édition spéciale d'Assemblage Rocky qu'on va animer ce jeudi, en après-midi. Tu veux dire l'édition spéciale? Non. Non? Oui, mais non. Ah, OK. Je te laisse aller, mon cher Mathieu. On s'en reparle. Ouais, OK. On écoute une pièce du palmarès de l'année 2017 en francophone. Oui. On écoute Octoplot avec Héros ou Ennemi sur C'est fou. J'aurai pas le trac d'écrire mon nom.

tout à l'heure. On va acheter des gadgets dans 5 minutes, ça devrait répondre là. En effet. Hein? On a une autre chronique de toi au moins. Oui. On a un petit bloc des palmarès si fous. Ouais. Si on a le temps, peut-être une troisième chronique de toi. Oh, peut-être, on sait pas. On va, il faut se contenir un petit peu. Ben ouais, hein, bon minute. Tantôt, en tout début de l'émission, ça fait vraiment longtemps, vous étiez peut-être pas avec nous, j'ai fait jouer une pièce de Noël de My Son the Bomb, Goodbye Psychedelic Christmas. Mm-hmm. J'avais mentionné que c'était celle-là qui était un petit peu soul et R&B, c'était pas celle-là. Ah, OK. Ça, c'était une autre chanson de Noël. Celle-ci qui va jouer là et celle qui est supposée être un petit peu plus soul, c'est par Smoota. Voici Ho Ho Ho, Santa's Gotta Go. Ho Ho Ho. Oh, avec Ho Ho Ho, Santa's Gotta Go à Assemblage Requis. C'était pas mal bon, ça. Oui, c'était excellent. Oh. Ouais, une chanson de Noël originale, je dirais. Maintenant, c'est le moment d'aller s'acheter des gadgets sur Internet. Voici, ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Qu'on achète des choses sur Internet et qu'on le regrette instantanément. On commence par les dépenses en ligne. Je sais que t'es moins fervente des achats en ligne que moi. Genre jamais? Presque jamais? Presque jamais. Ouais, c'est ça. Bref, moi, ça m'arrive de dépenser sur Internet. Tu dépenses tout le temps sur Internet. Pas mal. Mais j'ai souvent beaucoup d'amis qui font ça. Tu sais, par exemple, leurs cadeaux de Noël, ils les ont tous achetés sur Internet. Je suis incapable de faire ça. C'est tellement le fun. J'ai présentement comme 4 paquets qui m'attendent. Ouais, mais j'ai ben trop peur que ça arrive pas à temps. Ouais, pour Noël, j'avoue que c'est un petit peu... Si tu y vas avec Amazon, avec du shipping, payer plus cher, ouais, ça va arriver. Ouais, ben c'est ça. Pourquoi je paierais plus cher au lieu d'aller l'acheter au centre d'achat? C'est ben parce que t'as plus de choix, des fois, sur on Internet. Sauve du temps, sauve en du tout temps. Cas. Bref, si les gens dépensent un petit peu trop en ligne, c'est pas ton cas. Il y a une application, une extension Chrome pour résister aux achats impulsifs. C'est cool, ça. C'est une très bonne idée. Ouais, donc ça s'appelle Finder.com's Icebox. Donc, c'est une extension Chrome faite pour, justement, vous aider à dire non aux achats impulsifs. L'extension change tous les boutons achetés sur des sites en boutons qui vous demandent à la place si vous voulez les mettre sur glace, vos articles. Les mettre sur glace. Donc, les mettre dans un compte virtuel, si on veut. On peut seulement accéder aux choses qu'on a mis sur glace après un certain temps. Skybox, ce que Icebox appelle la période de refroidissement. Un peu de tes émotions, si on veut. Donc, tu peux choisir la longueur de ta période de refroidissement. Donc, si tu essaies de penser à quelque chose, tu sais, on dit des fois d'attendre 30 jours si tu veux encore dans 30 jours, si 30? Tu veux vraiment. Ouais, ben, ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Ouais. Il y en a que c'est une semaine, il y en a que c'est une journée. Peut-être pour ça que je magasine pas en ligne, c'est parce que je suis ben trop impulsive. C'est, et c'est exactement ça. Moi, je me donne vraiment des. Ben, pas, je me donne pas des limites spécifiques, là, mais j'attends vraiment longtemps avant d'acheter pour être sûr que c'est vraiment ça que je veux. Ben, par exemple, dans le temps de Noël, je suis du genre à aller faire du repérage avant. Ouais. Mm-hmm. Je vais aller voir un peu, je vais m'inspirer, je vais y penser, puis par la suite, je vais y retourner. Ouais. Tu vois, moi, je suis genre à me dire, bon, ben, j'ai vraiment besoin de quelque chose de spécifique. Puis après ça, après 30 jours ou même un an dans ce cas-ci, je me dis, je me demande si je m'en servirais. Ouais. Tu sais, comme mettons des écouteurs pour écouter de la musique en m'en venant. Sans fil. Est-ce que je m'en servirais vraiment? Mettons qu'on regarde un de tes restes en achat. Mettons que je me suis tout de suite remis sur Kijiji pour leur vendre. Oui, mettons, après c'est une ça. Journée, mettons. Je ne sais pas si je m'en servirais. Fait que j'attends. Hein? Je sais pas. Bref, ça s'appelle Finder.com's Icebox. Donc, c'est Icebox. Comme une boîte à glace. Ensuite, qu'est-ce qu'on achète au fait pour quelqu'un qui a déjà tout? Hein? Ben, une fois par année, on voit ce cadeau-là sortir. C'est le cadeau de rien pantoute. C'est ça, exactement. Le cadeau ultime, c'est le Gift of Nothing. Donc, une alternative, évidemment, au charbon, hein, peut-être pour la personne qui a été vraiment méchante. Et sinon, ben, un cadeau pour quelqu'un qui a tout ou une bonne blague à faire. C'est sur Amazon, c'est sur eBay. Donc, The Gift of Nothing, c'est littéralement une boule de plastique emballée dans un emballage en carton. C'est par la compagnie J. Et ce qui est le fun, c'est qu'il y a une faute d'orthographe dans la première ligne du texte c'est dessus. Ah, merveilleux. You have received the gift of nothing, mais received est écrit avec IE à la place de EI, c'est super bon. Et bref, hein? Absolument rien, c'est du minimalisme. Rien et plus et plus et moins. Moins et plus et plus et moins. Ensuite, on a des serviettes qui vont aller contre, qui vont jouer contre les bactéries. OK. Tu sais, si vous êtes comme moi, peut-être, votre appartement est très, très humide et la serviette a de la difficulté à sécher, hein, ça arrive. Ouais. Bref, Mizu, M-I-Z-U, c'est une nouvelle serviette intelligente faite avec une technologie japonaise capable de savoir s'il y a des bactéries à l'intérieur de la serviette. Donc, Mizu Smart Towel est absolument douce, très durable, nous dit-on. C'est fait d'un coton premium Jingxiang. Jing-chang. Pardon, tu pourrais répéter? Donc, c'est du... comment t'appelles ça? C'est fait à la main craftsmanship. Donc, tu sais, vraiment comme fait avec la qualité qu'on reconnaît des Japonais. Donc, c'est la Mizu. M-I-Z-U. Ensuite, on a un manteau isolé cooler pour transporter votre bière. OK. Donc, pour transporter vos breuvages sur la route, sur le pouce, en portant ce manteau isolé mini cooler. À l'intérieur de ce manteau-là, il y a quatre poche pour des tall boys, comme on appelle, les bières, le genre grand format, les king size. Et l'extérieur a des poches isolées aussi qui sont faites pour garder d'autres bières froides, donc des bières froides à l'intérieur comme à l'extérieur de votre manteau. Magnifique. Tout ça, ça se paye évidemment, être sous long en permanence. Ça coûte 1$ par jour. Ben 365$ canadiens. Oh, quand même. Ensuite de ça, des fois, on veut clipper nos sacs. Tu sais, les sacs de croustilles, des trucs comme ça. Mais on veut pas avoir des pinces normales, c'est bien trop plate. Mm-hmm. Tu veux avoir, genre, quasiment un bec verseur, presque. Presque. Presque. C'est un gadget en silicone que t'insères en... Mettons, t'as coupé ton sac là, sur le dessus, t'as coupé ton sac, tu mets cet anneau-là par-dessus le sac, et le sac vient comme se sortir à l'intérieur du cylindre. Comment est-ce que je pourrais expliquer ça? Ouais. Ton sac rentre dans le cylindre et tu viens comme écartiller l'ouverture de ton sac par-dessus le cylindre. Et après ça, ben, t'as un bouchon inclus dans le cylindre pour venir bouchonner ton sac. Oh mon Dieu. C'est un peu difficile à expliquer à la radio, mais quand même, c'est le bag cap de la compagnie Romeka, R-O-M-M-E-K-A. C'est donc deux morceaux de couvercle pour votre sac de plastique ou de papier d'aluminium. C'est fait, en fait, d'un silicone de plastique BPA, sans BPA. Voilà. Chaque capuchon a deux parties, la partie qui va dans le sac, la partie qui va l'intérieur du sac. Bref, allez voir ce que c'est sur Amazon. L'article est sur assemblagerequis.com. Un emballage de trois de ces capuchons à sac. Il y a différents formats aussi, hein, vous pouvez les acheter plus longs ou moins longs. Tout ça pour 10$ US, pour 3, quand même pas trop cher. Vous avez beaucoup de sacs. Non, c'est bien. Ouais, j'aime ça. Ensuite, Airbnb. On a parlé récemment de Airbnb dans une autre chronique parce qu'il y avait des gens qui avaient essayé des caméras cachées. Airbnb veut maintenant vous offrir de la réalité virtuelle, un avant-goût de votre futur appartement temporaire. Et non, ça n'utilise pas les caméras cachées. Mais non. Malheureusement. Non, heureusement. Donc, on développe de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle pour aider les invités à naviguer les prochains appartements à louer. Donc, les scans en trois dimensions et à 360 degrés vont permettre aux utilisateurs de vraiment comprendre ce qu'ils vont vivre. Et la réalité augmentée, elle va pouvoir vous montrer un petit peu plus l'échelle de la grandeur de l'appartement en la comparant à d'autres objets que vous avez, j'imagine, c'est ça? Mm-hmm. Ouais, bref. La compagnie travaille sur la réalité virtuelle depuis assez longtemps entre les invités et les hôtes. En fait, depuis l'année passée. Et maintenant, ben, ça s'en vient plus rapidement qu'on pense. Donc, ça s'en vient chez Airbnb. C'est un. On est dans l'attente de tout ça. Voilà. Ensuite, c'est un téléphone qui est de la grosseur d'une carte de crédit. C'est vraiment cool. Des fois, on parle. Bon, il y a plusieurs affaires qui peuvent aller dans votre portefeuille qui sont de la grosseur d'une carte de crédit, que ce soit des outils, il y a des loupes. Des trucs comme ça. Ici, donc, on a un téléphone minimaliste qui permet de vous débrancher du monde moderne sans avoir à vraiment vous débrancher. Donc, on peut faire des appels et des messages texte, mais tout le reste n'est pas disponible parce que c'est un téléphone super mince. Ça affiche l'heure, ça affiche la batterie, ta connexion Bluetooth, des trucs comme ça, mais en gros, c'est juste pour appeler et pour texter. Ça coûte 115$ canadiens environ. Ensuite, un énorme sleeping bag mélangé avec un col roulé. Mon Dieu! Ouais. Hey, j'espère que ça pique pas, au moins. J'espère que c'est de la laine très, très douce. Ouh. Donc, imagine, tu sais, quand t'as un col roulé, tu te sens confortable. C'est horrible! Ouais. C'est chaud autour du cou, un col roulé, on aime ça. Oui. Bon, un col roulé en laine encore plus. Mais imagine si ton col roulé en laine ne finissait jamais et allait jusqu'à tes pieds. Oh my God! C'est ce qu'on vous propose, donc rester au chaud pendant les journées froides. C'est fait en laine de mérino. Donc, c'est supposé être vraiment très, très doux et pas du tout piquant, le mérino. Monsieur, d'ailleurs, il y a un de mes paquets qui s'en vient, que c'est des bas. Bref, ça coûte tout ça, tricoté à la main, peut-être gratuit ou l'essentiel de la laine que vous allez vous procurer. Si vous l'achetez, 1300$. 1375, presque 1400. Ouch. Continuons avec des cartouches de vitamines pour votre vapoteuse. Mm-hmm. On a parlé de potes plus tôt dans l'émission. La vapoteuse, c'est bien à la mode quand même, moins qu'avant. Il me semble que je vois beaucoup de boutiques de vapote fermées depuis quelque temps, mais bon. Oui, c'est vrai. Bref, c'est pas important. Ici, on a des vitamines à l'intérieur de votre vapoteuse. Donc, ces cartouches-là qui n'ont aucune nicotine et aucune calorie vous donnent une dose de vitamine B12 dans votre sang en quelques secondes. Oui, OK. Pour 30$, on peut inhaler ces vitamines avec des cartouches pour vapoteuse. C'est incroyable. My God. Ensuite, on a des cartouches de jeux vidéo rétro, mais c'est en fait du maquillage. Hein? Ouais. Ben oui, toi. Une cassette de Game Boy. Ouais. Game Boy. Et à l'intérieur, ben, t'as du maquillage qui ressemble un petit peu à la couleur de la cassette. Ooh. Et à la place de dire Tetris dessus, ça dit Nerd Makeup. Quand même. Il y a plusieurs modèles disponibles. Pac-Man, Tetris, Legend of Zelda. C'est par la compagnie Espionage Cosmetics qui a révélé donc une nouvelle ligne de maquillage qui ressemble à des cartouches de jeux vidéo avec la couleur qui va avec. C'est fantastique. Pas grand-chose à dire de plus que ça. Hein. Il y a des couleurs comme du rose, du mauve, du vert, du jaune, du brun. Oui. Et chacune s'appelle, par exemple, bon, Dungeon Crawler, Marshmallow Vacuum pour Kirby, hein. Zero Suit pour c'est qui... Bref, hein, on connaît tous ces affaires-là. C'est sur assemblagerequis.com, le lien est là, et avec plein, plein d'autres détails, dont le fait que ça coûte 10$. Non? C'est ça? Non? C'est sur espionagecosmetics.com, le prix, voyons, 16$ US. C'est en précommande pour une seule cartouche. Okay. Et ça va sortir en mai 2018. Voilà. Oh boy! Faut être patient, des fois. Ouais. Ensuite... on parle des fois de gadgets qui vont aider les femmes à faire pipi debout. Tu te rappelles, on a déjà parlé de gadgets du genre. Ben ici, tu vas pouvoir le faire en étant un homme aussi. Et là, tu vas me dire, mais attends un peu, je peux déjà faire pipi. Ouais, ouais. Mais tu veux pas avoir à attendre devant l'urinoir. Tu vas pouvoir faire pipi dans fil. Non. Ah mon Dieu, ben voyons. Je sais pas, peut-être dans le coin. Je sais pas, à un événement extérieur, à un festival, peu importe. Une fois que tout le monde a pris de l'alcool puis de la drogue, personne va s'en rendre compte. Hein. C'est un tuyau. Oui. Qui s'appelle le Wisdom. Mm-hmm. Wiz comme dans pipi. Hein? C'est donc un tuyau de latex de 40 pouces, un appareil urinaire masculin qui, lorsque déroulé, va permettre aux hommes ou en tout cas, les personnes avec un membre de extérieur. Bref, un pénis, comme on appelle le cabinet. Bref, d'uriner directement sur le sol, mais sans avoir à montrer leur engin. Parce que c'est dans le tuyau de latex. Hein? Donc, t'es pas techniquement en train de faire pipi par... t'es pas mal techniquement en train de faire pipi par... Ouais, c'est ça. Fait que je vois pas vraiment l'avantage et où. Parce qu'il faut quand même que tu te sortes la Zwin. Oui, pas le choix. Peut-être que tu peux mettre le tuyau si t'es comme dans ton dans ton pantalon peut-être. Peut-être par le pantalon puis faire pipi par en haut. Non, ça me retombe dessus. Non, non. Je sais vraiment pas. J'aurais besoin d'une vidéo, mais en même temps, je veux vraiment pas. Non, c'est ça. Fait que tu sais. Bref, The Wisdom. THEWHIZDOM.com. C'est un urinoir portatif pour les hommes et ça fonctionne, ça entre dans votre poche. Et effectivement, il y a une vidéo de démonstration. Mm-hmm. Et effectivement, je suis incapable de ne pas cliquer dessus. Ah mon Dieu, fais pas ça! Non, mais je veux savoir comment ça fonctionne, là. OK. J'imagine qu'il va nous montrer un petit peu. Il fait juste le mimer. Il mime même pas. Il fait juste en parler. En tout cas, bref, t'es supposé mettre ton tuyau sur ton zouizoui et pointer vers le bas à l'intérieur de ton pantalon, tu comprends? Dans le sens que c'est branché après ton zoui, OK? Mm-hmm. Et là, tu fais suivre le tuyau à travers ton pantalon pour que ça coule par le bord de ton pantalon. Mais ça va clairement tomber dans les souliers. Clairement. Je sais pas. Il y a sûrement une twist à ça. J'espère, parce que sinon, tu sais, c'est comme si tu te faisais pipi petit. OK. Bon, je vais faire mes devoirs de bon communicateur. Il y a une section de questions fréquemment demandées, posées sur leur site web. L'urine va directement sur le sol, à la base de ton soulier. Dans la vidéo, on voit que l'urine atteint les souliers pour que les gens voient que ça... Vous n'allez pas uriner sur votre soulier si vous n'êtes pas sur une surface dure. Si vous êtes sur une surface molle, vous n'allez pas uriner sur votre soulier. C'est ce que ça veut dire? Bref, je comprends pas. Je comprends pas. C'est que c'est jetable. C'est fait pour une seule utilisation, mais il y en a qui le nettoient et qui le réutilisent. Ça pose la question, est-ce que je vais avoir du trouble avec la police si j'utilise le Wisdom? Ça dit, vous êtes responsable de savoir quelles sont les lois dans votre localité. Nous recommandons que si vous n'êtes pas au courant de vos lois, soyez discret et respectueux des autres autour de vous. Ouais, donc, vous allez aller dans un coin. Ici, à Trois-Rivières, t'as pas le droit d'aller uriner à l'extérieur. Ben, logique, là. C'est logique. Même si c'est dans une ruelle. En tout cas, c'est pas supposé aller se t'essuyer. OK. Une chance. Ah, je sais moins. Mais j'avoue que pour un festival... Ça mais tu sais, c'est quand même par terre, là. C'est parce que je suis pas certaine. C'est un peu ça que je me dis. Moi, j'embarque pas tant. Non, moi non plus. Non. Est-ce qu'on continue avec des histoires de rideaux? Mm-hmm. On va continuer avec des histoires de rideaux. Je sais pas. Est-ce que des histoires de rideaux? Comme des histoires de fantômes, mais... Ouais. Bref, c'est le Blind Engine qui va vous empêcher de devoir vous rendre à la fenêtre en montant et en descendant le rideau avec votre téléphone intelligent. Oh, le ça Blind c'est Engine. Fun. C'est vraiment le fun. Donc, il y a d'autres systèmes similaires qui demandent une installation professionnelle et de remplacer vos rideaux existants, vos stars existants. Mais le Blind Engine, lui, change tout ça parce que ça vous permet de l'installer vous-même sur vos stars existants. Donc, on dit que c'est intelligent, ingénieux, une solution pratique pour que votre maison soit gérable sans avoir à vous lever debout. Imagine, là, tu peux te servir même du Wisdom assis dans ton divan pour faire pipi dans un bocal en dessous de ton divan puis fermer ton rideau avec ton smartphone. Tu vas pouvoir tout faire avec tes deux mains en train de... Ensuite, une solution pour faire dérapetisser vos vêtements. Dérapetisser. Tu sais, quand tu mets tes vêtements dans la sacheuse. Oui. Des fois, ça rapetisse. Je mets pas mes vêtements dans la sécheuse justement pour ça. Tes sous-vêtements, c'est tes sous-vêtements, mais non. Ben, mes sous-vêtements, oui, mais mes sous-vêtements, ils shrinkent pas. Bon, ben tu vois, si t'avais un vêtement qui mes shrinkait, bas, hein, ouais. Je déteste faire du lavage, mettons, dans une maison qui ne m'appartient pas. Puis, par exemple, dans le temps où je faisais du lavage chez mes parents, ben souvent, je partais en ayant parti une brassée. Mais là, le soir, je revenais et le stock était dans la sécheuse. J'ai pas demandé de mettre ça dans la sécheuse! Comment exactement. Là, détruit une paire de pantalons. Ben oui, mais là, elle voulait bien faire. Ah. Mais clairement, mais, je veux dire... Ah, c'est il. Salutations à mon père. Ah, ça a plus de sens parce que ta mère aurait su. Hein. Ma mère aurait su. Elle aurait bien mon père lui met tout dans la sécheuse. Ouais. Il y en a des de même. Hein. Je suis comme, c'est donc bien fâchant. Veux-tu je pogne tes bobettes puis je les shrink, va? C'est bizarre. C'est qui est arrivé avec ma paire de pantalons. Bon, donc ben, tu pourrais utiliser cette solution de dérapetissage, hein? Unshrink it, avec un parfum de vêtements frais. Hein? Ça fonctionne en seulement 30 minutes. Donc vous allez empêcher les mésaventures comme celle que tu viens toujours de raconter de gâcher vos vêtements en renversant le processus du rapetissement. C'est une formule particulière pour dérapetisser le cachemire, la laine et les mélanges laineux en aussi peu que 30 minutes pour une 15-20aine de dollars canadiens. Hmm. Pas pire quand même. Ça pourrait sauver des vies. Hein? C'est vrai. Ça dit de ne pas avaler dessus. Une chance. Contrairement à pourtant la texture et la couleur qui ont l'air d'être quelque chose que t'avales, mais bon. Mais ouais. Ensuite, portez votre musique autour de votre cou avec le Bose Soundware Companion Speaker. Je connais vraiment beaucoup de monde qui sont des fanatiques inconditionnels de Bose pour les systèmes de son. Ouais. La qualité est vraiment là, même si c'est un petit peu pas mal beaucoup très cher. C'est tellement cher. Pas abordable du tout. Mais c'est un haut-parleur que vous mettez autour du cou, en fait... C'est bizarre, ça ressemble à une languette pour mettre des souliers. C'est mm-hmm. une petite languette courbée, sauf que c'est courbé autour de votre cou, en plus. Et donc, c'est résistant à l'eau et à la sueur. J'espère bien. 12 heures de lecture sur une charge complète. Une charge de 15 minutes pour ajouter 3 heures de lecture pour tout le temps avoir votre haut-parleur autour de votre cou et déranger les autres dans l'autobus. Ça, c'est ce que je pense que c'est pour ça que ça a été créé, ces haut-parleurs-là. Tous les maudits haut-parleurs externes ont été créés pour déranger tout le monde, sauf la personne qui l'écoute, qui pourrait juste mettre des écouteurs. Exactement. Ça m'énerve au plus haut point, mais si j'en parle trop souvent, je vais me faire dire que je suis redondant dans mes chialages. Mais Colin, que ça m'agresse. Mm-hmm. C'est pas ta musique est la tienne. Oui, c'est ça. Écoute-la dans tes oreilles. Tu sais, ta main, c'est ta main. Ton corps, c'est ton corps. Ton corps, c'est ton corps. Musique, c'est ta musique. C'est exactement ça. Ça vient avec la même chose. Consentement. Demandez aux gens autour s'ils veulent entendre votre musique. Sans oui, c'est non. Non. Le Bose Soundware Companion Speaker coûte 300$. Sur oh Bose.com et sur Amazon. Ensuite, on a... Ah, ça, c'est cute. C'est un tapis pour les chats, OK? Mais c'est un tapis vagueux pour les chats que dans le sens qu'ils peuvent jouer avec et ça va faire comme une surface avec différentes formes, OK? OK. Donc, imagine-toi un tapis, OK? Ouais. Et le tapis est mou. Mm-hmm. Et le tapis est fait pour bouger sur un autre tapis mm-hmm. pour faire des monts et vallées. Okay? D'accord. Et il y a des trous dans la couche supérieure. La couche du bas, c'est vraiment juste un tapis. La couche supérieure a des trous et des monts et vallées, donc votre chat va pouvoir passer en dessous du tapis, en haut du tapis, sous le tapis, sur le côté du tapis. C'est super bien fait. C'est fait avec du velcro, en fait, pour que vous puissiez vous-même faire les monts et vallées. Vous pouvez décider de quelle hauteur les collines devraient avoir, les trous devraient être placés où, les possibilités sont sans fin. Hein? Et donc ça se vend comme ça. C'est le Ripple Rug, un tapis pour les chats pour jouer. Et vous allez pouvoir faire vos propres formes et les points d'attache sont en velcro. La vraie marque velcro là, pour pouvoir ouais. Les retirer facilement. Et le chat, dans les photos, a l'air vraiment, vraiment excité. C'est ça, vrai. Ça parle à stager, on dirait que c'est Noël pour lui. Là. Mais oui. Il est quasiment à langue sortie, je pense même. Quasiment, quasiment. C'est incroyable. J'en veux un pour mon chat. Ensuite. Des vêtements qui réchauffent. On en parle des fois, une fois de temps en temps, on parle de manteau chauffant. Bon, ici, on a... C'est vraiment cool. C'est un chandail chauffant. C'est donc super, comment dire, peu encombrant. Oui, hein? Ben oui. Ça respire très bien. C'est résistant à l'eau. C'est une ligne complète de vêtements qui vient avec un pad au torse. Mm-hmm. Et trois niveaux de chaleur que tu peux contrôler avec un bouton sur la manche. Hey, j'en veux, hein? Pour vrai, c'est cool. Imagine payer 200$ pour un chandail. Hey, oublie la chaufferette à 20$. Achète-toi un chandail à 200$. C'est ça. Et ouais, j'imagine que ça va au lavage si t'enlèves toutes les affaires qu'il y a dedans. Plus ça rapetisse. Ouais, c'est ça. Faut que t'achètes un shrink kit. Oh. Coûte cher. Mais j'avoue que si t'es un amateur de sport d'hiver, par contre, t'aimes faire de la raquette ou peu importe, c'est un investissement. Absolument. Un autre investissement, c'est de pouvoir faire de la musique quand t'es sous. Parce qu'on dirait que le talent vient avec l'alcool, des fois. Parfois. Parfois. Imagine, tu pourrais créer ta propre chanson avec des coupes de vin. Okay. Avec gradation des notes dessus. Oh! Collation des grades, je dirais qu'on appelle ça. Hein? Non, ou pas. Mm-hmm. C'est donc les Major Scale... C'est une tentative de blague. Major Scale Musical Wine Glasses. Donc, ce sont des coupes avec des notes de musique inscrites sur le côté de A à F, là, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, etc. etc. Oui. Et si tu remplis la coupe de vin jusqu'à la bonne hauteur, tu mouilles ton doigt et tu frottes sur le contour et ça va faire la note que c'est supposé faire. Ça mm-hmm. vient en ensemble de deux ou sinon en emballage de 8 pour la famille au complet pour oui. pouvoir faire un orchestre, un concert de vin. Vous pouvez avoir en action cette coupe-là, mais je pense que ça vaut la peine qu'on l'entende. Là. Je veux dire, à un moment donné, c'est de la musique. Tu sais. Hein? Ouais. On ne gênera pas. Major Scale Musical Wine Glasses. C'est équivalent à de la cornemuse pour mes oreilles. Ouais, c'est comme un... Ah boy, oh les boy. Clochettes, ben oui. Rajoute-moi les clochettes puis ça change tout. Là, il y a du montage là-dedans. Imagine une famille en train de jouer à ça au complet, là, à la table, autour de la dinde. Rarement vu quelque chose d'aussi agressant dans la vie. C'est tellement pas plaisant. Wow, j'ai ça. On est désolé à tous les auditeurs. C'est tout pour ça que c'est ça de répondre là. Les notes de l'émission numéro... on est rendu où? Le note de l'émission numéro 1172. Oh. On se retrouve après la pause avec une deuxième chronique de Tania is Gonna Entertain You. Mercredi 13 décembre 2017, elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Dans quelques instants, une autre chronique de Tania is Gonna Entertain You. De quoi tu nous parles? Je vais vous parler de l'hiver. Bon. C'est tout ce que je vous dis. Simple comme ça, ça nous fait pas rire pantoute. Mais on va entendre les gens de LAF. L-A-F. Oui. C'est le lien. D'accord. Voici Éternel, parce que l'hiver... Est pas mal éternel. Est pas mal éternel au Québec. Vive le Québec. Exactement. Libre de pinte. De jelly, on veut nager dans du jello. Mets un smile dans ta gueule. Pas temps pour la nostalgie, là j'suis dans le rap, y'a une porte de loup. Mets un smile, fuck les jellos. J'mets un sourire sur ta tour. Où on est chill, là on joue le jello. Monte au filage sur cette vélo, hey. J'marche, marche sans rap, j'aurais pas faire. Quoi? J'aurais pas faire, j'aurais pas faire. J'vais être élégant style pour mes tas de frères. Yeah, j'vous me cache de fumer ça, frère. J'vais merde, j'ai déjà fait un parfait. pas le faire. Sun glass quand le sun clash avec les blancs becs sa terrasse qui sip le rhum flash. Genre campé avec mes amis go funny islam du chapiteau. Chain smoking c'est rapido while sipping bien au sol. C'est qu'au troisième étage il fait chaud. Trop dans mon basement si j'ai encore mis ben trop. Trop à fond la tête des nuages. C'est le genre de substance qui se consomme juste en gros oso. Jamais trop oh. Éternelle requête on veut pas d'autre chose. Huitième étage du ciel lent comme un ghost. Smoke jamais trop. Can we slow it down? Jamais trop. Oh. Éternelle requête, on veut pas d'autre chose. Huitième étage, j'ai lent comme un ghost. Smoke jamais trop. Oh. Hey. Hey, would you follow me now? Nelly Doug, c'est le grill. On est comme des styles. On est là comme on va les connaître, comme des comètes, si nous connaît. Le ciel s'illumine quand je vous vois tous groover. Je remercie aussi la mer puis le plancher. Pas besoin d'altérer mes veines. Que je vous aime sans me blâmer. Accompli comme complice dans la quête de mots dans une forêt interdite. À quoi bon le faire vite tant que le plaisir en vie c'est te viser. De l'AF. Et la pièce éternelle à Assemblage Rocky. Ça arrête sexe. Oui, pas mal. Ça arrête comme si on changeait de poste. Mais oui. Changez pas de poste. Mais non, restez là. Parce que c'est Tania is gonna entertain ya. Et c'est du beau travail d'équipe. Yeah, c'est malade. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école. Et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna tu lui parles de l'hiver. Ben oui, certainement. Puis plus précisément de cette fameuse petite tempête de neige que nous avons depuis hier. Que c'est joli. Parce que si vous regardez par une fenêtre près de vous, si vous en avez une en fait, observez à l'extérieur, il neige encore. Oui. Ça fait exactement plus de 24 heures qu'il neige non-stop. Ah, sans arrêt, pour vrai. C'est quand même assez incroyable. Je vous dirais, mon balcon peut en témoigner. Ouais, sur la Bible. Mais le sud du Québec subit sa première tempête présentement. C'est majeur. Ça se déroule jusqu'à aujourd'hui. En temps normal, après aujourd'hui, ça devrait se calmer. Mais il y a plusieurs facteurs d'impact qui sont quand même à surveiller pendant cette fameuse tempête-là. Donc, je me suis dit, pourquoi pas vous en parler, hein, parce que oui, bon, c'est actuel, mais... Ce qui est actuel aussi au Québec, c'est que ça va revenir. Ouais, c'est ça. Fait qu'on peut la garder en backup pour une future reprise. C'est ça, exactement. Okay. Ou, tu sais, prévoyez le cas. Okay. c'est comme ça à votre guise. Faites pas comme les autobus de Montréal qui avaient l'air de pas du tout être préparés pour l'hiver, tu sais. Abandonner des autobus en plein compte des neiges, c'est merveilleux. L'hiver, ça n'a pas connu un départ canon où on s'entend, là, en début de saison, en fait, la neige était vraiment pas là. Non. On n'avait pas de neige. On voyait les trottoirs et le gazon. On voyait les trottoirs, le gazon. On se rappelle, je pense que c'est la semaine dernière, j'ai parlé du fait qu'il y a encore des feuilles dans les arbres. Elles sont encore là, on les surveille. Hein, chaque jour, on les surveille. Exactement. Mais ça fait en sorte qu'on a comme l'impression que cette tempête de neige-là, c'est une forme de rattrapage, en fait, pour tout ce qui n'est pas arrivé dans les dernières semaines. On prévoyait jusqu'à 20 cm de neige dans la grande région de Montréal et Québec. Je pense qu'on est à plus de 20 cm, honnêtement, présentement. Je sais que récemment, là, comme dans les dernières heures, on a ajouté un autre 20 cm pour Québec. Donc, pour Montréal, je ne sais pas encore. Mais comme on est entre les deux, fait prévoyer un petit temps. C'est ça. Donc, il s'agit d'un choc, en fait, parce que la neige a été rare depuis le début de la saison froide. Et ça signifie aussi que les équipes de déneigeurs et les automobilistes, présentement, là, c'est notre temps d'adaptation rapide, bien évidemment, parce qu'on est pas mal pogné dedans. Mais c'est notre temps d'adaptation à des retours, en fait, de conditions hivernales. Et si vous regardez la date présentement, nous sommes le 13 décembre. Ce qui veut dire que la date finale pour la pause de pneus sérieusement? D'hiver est dans deux jours. Ça, c'était une vraie blague. Donc, hein? Si vous aviez calculé, en fait, que le beau temps allait rester jusqu'au 14, mettons, jusqu'à demain, vous êtes un peu en retard. Vous avez probablement de la difficulté à vous adapter à la situation présentement. Je les ai vus sur la route hier. J'attendais l'autobus et je voyais des voitures avancer, mais tellement lentement. Oui, exactement. C'est clair que genre... C'est sûr que présentement, vous avez de la difficulté avec l'adhérence si vous n'avez pas de pneus d'hiver. Donc, c'est pourquoi on a comme décidé, avec le projet de loi sur les pneus, en fait, on a changé la date. On se rappelle, on parlait du 15 novembre. Là, on parle parle plus du 1er décembre. Bon, tu vois, ça c'est raisonnable, ça, ben oui. Ça fait beaucoup d'allure, parce que si vous regardez ça comme ça, bon, c'est sûr et certain qu'on peut vous juger, gens qui n'ont pas encore pneus d'hiver, on le fait. Mais c'est aussi étrange, considérant le fait que la date est le 15. C'est la loi qui est complètement stupide, tu sais. Hein? C'est ça. Bon. Donc, tu sais, on vous juge, mais en même temps, on vous juge pas tant parce que la date est le 15. Fait que, on juge les décideurs. En fait, on juge décideurs. Votre jugement. C'est ça. Ce qu'il faut comprendre aussi avec cette fameuse petite tempête de neige-là, c'est que, parlant de conditions routières, on a un détail qui est très important dans la tempête ce temps-ci, c'est la texture de la neige qui tombe. Étant donné, en fait, qu'il fait froid actuellement sur l'ensemble du territoire, c'est très, très volatile. Oui, il y a beaucoup de vent. Ouais. Hier, on regardait des rafales de vent aux alentours de 50 km/h. En dedans d'une heure, là, parce que je vais reprendre mon balcon en exemple, là, mais en dedans d'une heure, là, j'ai dû avoir l'épaisseur, honnêtement, d'un bon 15 cm, ouais. Juste avec les rafales de vent qui ont fait déplacer la neige. Donc oui, on parle de tomber 20 cm de neige, mais tout ce qui tombe va rebouger. Ouais. Et ça rebouge aussi présentement. Donc, c'est un froid actuel qui empêche l'eau de coller sur le flocon. Donc, le flocon ne va pas devenir collant et il va pas grossir non plus. Ce qui fait en quelque sorte que ça devient un petit peu une neige pure. Bon, c'est ça, ben oui. C'est cute. C'est ça qui est le fun. C'est beau. On se dit deux semaines avant Noël. C'est merveilleux. C'est pas trop froid non plus, juste un exactement. Petit moins 9, c'est pas si pire. C'est léger, c'est facile à se déplacer, donc il faut s'en méfier. Ah là, il y a un danger derrière ça. Il y a un danger derrière ça. C'est de la poudrerie, mesdames, messieurs, ce qui veut dire que les rafales vont aller jusqu'à 70 km/h et ça fait en sorte que la visibilité sur certains bouts, soit d'autoroute ou de ville et de rue, va se détériorer extrêmement rapidement. Ben oui. Vérifier la distance entre les voitures. T'as un petit ton qu'on descend dans. S'il vous plaît. Mais c'est parce que moi, quand je vois quelqu'un qui me colle vraiment beaucoup dans une tempête comme ça, et je ne sais pas si cette personne-là a ses pneus d'hiver ou n'a pas ses pneus d'hiver, j'ai honnêtement le goût de mettre les freins juste pour voir si tu me rentres dedans. C'est ça. C'est de l'inconduite routière. C'est honnêtement, c'est même pas du respect. Non, c'est ça. Tu sais, c'est beau si t'as un quatre pattes, là, mais que tu dépasses incroyablement rapidement à côté de quelqu'un qui a pas de quatre pattes et c'est de la poudrerie comme ça. C'est quoi, quatre pattes, donc? C'est quatre roues motrices, en fait. OK, excuse-moi. Donc, ça fait que t'as une stabilité qui est meilleure sur la neige. Mais si, toi, tu décides de passer à full pin, là, mettons, dans une zone de 50, tu décides de passer à 75, ça reste de la poudrerie pareil. Mm. Ça veut dire que je vois rien. C'est pas intelligent, OK? Soyez vigilants, s'il vous plaît, lorsque vous conduisez dans de la poudrerie, parce que c'est contrairement à de la neige collante, ça fait en sorte qu'on voit beaucoup moins bien. La neige collante va venir, oui, évidemment, coller à votre pare-brise, mais ça fait en sorte que vous pouvez la swiper un petit peu plus rapidement, hein? C'est ça. On s'entend? Tandis que la poudrerie, elle va toujours revenir. Ça va être constant. Ça va être quelque chose que vous allez avoir de la difficulté parce que, bon, évidemment, il y a des rafales de vent, donc automatiquement, la visibilité va être moindre avec ça. Donc, on se rappelle d'être très prudent, s'il vous plaît, et d'aller beaucoup moins rapidement. Les plaques de glace, c'est à vérifier aussi avec une tempête comme celle-là parce que sur les routes, il faut également se méfier de la formation des plaques de glace. On s'entend là présentement, on a de la poudrerie, on se dit « Ah, c'est pas si pire, t'sais, c'est pas collant, rien. » Oui, le sel et les abrasifs qui sont étendus à la pelletée depuis quelques jours, ça couvre quand même et ça va contrer la chaussée glissante. Mais il y a un phénomène aussi qui peut déjouer les équipes de déglaçage. Par exemple, lorsque la neige va tomber sur l'asphalte, il y a une partie qui va fondre en raison du va-et-vient des autos. Et c'est cette petite particule de neige-là, traître, qui va faire en sorte que le froid actuel va venir geler cette petite couche d'eau-là. Et c'est le niveau d'achalandage qui va diminuer aussi parce que les gens vont tout simplement moins sortir avec une température comme celle-là. Donc, cette petite couche-là, elle va rester. Donc, il suffit tout simplement de quelques minutes pour former de la glace dans une tempête comme celle qu'on a eue dans les dernières heures. On s'entend que c'est sûr, si vous étiez hier matin, il n'y avait pas nécessairement beaucoup de neige hier matin à 7 heures du matin. Ça a commencé la neige un petit peu plus vers 8 heures et demie, si on se rappelle bien. Donc, la neige qu'il y avait sur le sol a eu la terre de geler. Mm-hmm. Si vous êtes de ceux qui ont des pneus 4 saisons présentement et que vous n'avez pas encore vos pneus d'hiver, faites attention. Ouais. Parce que oui, il y a de la poudrerie, mais comme on le dit, il y a de la glace en dessous de la poudrerie. Donc, ça, le fait que c'est pas de la neige collante, ça va pas adhérer, là. Ça va tout simplement glisser. Mmh. C'est encore pire. Si on parle du retour à la maison, bien on va devoir en fait surveiller beaucoup de choses sur les routes quand on va retourner à la maison. Surtout les côtes, je vous dirais dans les villes, ici c'est pas si pire, Trois-Rivières. Ah, sur des récollets, ouais, quand même. Côte, c'est ouais. Ça, exactement. Donc il y a des côtes, il faut faire attention aussi parce que là on vient de parler de formation de glace. Mais si vous rentrez dans une colline ou peu importe, puis vous vous dites « il n'y en a pas de problème, mm-hmm. c'est de la poudrerie », puis vous vous laissez aller comme ça, là. Mais prévoyez freiner à l'avance, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, les périodes critiques, en fait, dans le sud de la province présentement, là, c'est pas mal ici à Trois-Rivières et Québec. Donc, on est soumis à des conditions routières qui sont très difficiles en fin d'après-midi et en soirée. Ouais. Moi, hier, j'ai dû sortir de chez moi pour me rendre à un endroit. C'était vraiment, là, je driftais. Mmh. Mais on doit dire, en tout cas, je dois dire que présentement, le travail des déneigeurs est vraiment très efficace. Oui, les rues sont très bien déneigées pour le moment. Je suis allé un petit peu en début d'émission, mais il était 7h du matin. Ouais, les ça, gens exactement. Sont pas encore sortis. C'est normal. C'est ça. moi, j'ai dû croiser comme 40 équipes. Oui, oui, le temps de m'emmener ici ce matin, c'était comme « OK, vous partez au travail. Ouais, » ouais. Ça paraît. Ah, puis il était déjà sa job à 4h30 du matin quand ça m'a réveillé. Exactement. Et si vous craignez aussi de voir disparaître cette belle petite neige avant Noël, bien sachez qu'il y a des modèles actuels qui prévoit un froid qui va être durable jusqu'au temps des fêtes. Donc, cette température-là devrait rester. C'est pas impossible de voir un petit redout, en fait, de température. Donc, ça va se calmer encore. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas extrêmement froid non, présentement. Non, on est même, moi, je trouve, quand même relativement bien. Ce matin, il faisait moins 8, là. Ouais. Tu sais, c'est pas la température la plus incroyable qu'on a connue c'est au ça. Québec. Hier, sérieusement, j'ai manqué l'autobus, je te jure, de ouais. probablement une minute. Okay. J'ai été obligé d'attendre 30 minutes pour la prochaine. Oh, mon Dieu. Et c'était pas si pire que ça. Ouais, c'est ça. Beaucoup de neige, beaucoup de vent, mais tu sais, ça se vit bien. Exactement, c'est pas si froid que ça, donc son ampleur devrait pas nécessairement être suffisante pour faire couvrir, pour faire fondre, en fait, la neige qu'il y a présentement. C'est sûr qu'on va avoir des petites fontes, veux pas, parce que la température va s'atténuer, ouais. Mais la tempête d'aujourd'hui et d'hier risque d'être la couche de fond, en fait, pour assurer un Noël blanc sur l'ensemble du territoire du Québec. Ça, on aime ça, parce qu'on y a tous pensé qu'on allait avoir un autre Noël vert. Je pense que la dernière fois qu'on a eu un Noël vert, c'était peut-être... Le Grincheux. 2000? 2000? Je sais pas. Je sais pas si c'est genre 98 ou 2000. On a eu un Noël vert. Et ça le fait en sorte que présentement, on se dit que c'est une tempête de neige. Par comparaison. C'est ça. Mais oui, parce que si vous vous rappelez, en tout cas, moi, je me souviens que quand j'étais jeune, par exemple, 97, des températures de même l'hiver, c'était... que ça. Normal, oui. On se levait, puis c'était normal, la neige, comme ça. On voyait la déneigeuse à tous les jours. Ouais. Mais là, il y a eu une espèce de creux, en fait, dans la température du Québec, qui a fait en sorte que nos hivers étaient pas mal moins rough. Et ça a fait en sorte qu'une température comme celle-là va être déclarée une tempête aujourd'hui. Mais est-ce que c'en est vraiment une? Parce qu'en fait, c'est juste ce qu'on avait il y a quelques années. Oui. En tout cas. Hein? Ça comme ça. Et bien évidemment, les services météorologiques au Canada, aux États-Unis et même en Europe se questionnent présentement avec les super ordinateurs pour avoir une idée de la saison froide qui va continuer, en fait. On se demande si on va avoir beaucoup de neige tout au long de la saison d'hiver, parce que là, on s'entend, on est juste au début. Donc, il y a un météorologue qui s'appelle Gilles Briand qui a fait le bilan des prédictions et des dernières tendances avec un aperçu de ce qu'allait être notre hiver 2017-2018. Alors, si vous voulez, j'y vais en rafale. L'hiver va être précoce avec un Noël blanc partout au Québec. C'est pas mal ce qu'on voit dans les derniers jours. Un point. la tempête a vraiment touché le sud du Québec en début décembre. Deux points. Il y a une tempête majeure qui va frapper le sud du Québec dans le temps des fêtes. Donc, ça reste à voir. Ça reste à voir, oui. On va voir si ça va arriver. il pourrait y avoir plus de journées de verglas et du smog. Ah, du smog! Oui, à cause du changement de température. Ah. Justement, on a de la neige au sol, mais là, si la température se calme un petit peu, si les tendances de saison, mettons, sont pas extrêmement froides, il va y avoir de la vapeur. Mm-hmm. Ça va créer du smog. Donc, on va devoir se poser la question, est-ce que ça va arriver? Faut garder ça à l'œil. Le bulletin en janvier, on va faire ça plus tard. Exactement. On va avoir des averses de neige qui vont être fréquentes et quotidiennes. Mmh. Et mesdames, messieurs, nous allons avoir du temps glacial. Ah. Mais ça va être bref. Ah! mais ça va être dans le sud du Québec. Fait que c'est pas mal nous. Et le mois de février aussi pourrait connaître un redoux, en fait, qui va être prolongé. Donc, le mois de février sera pas trop difficile à vivre pour le moment. Si on se rappelle l'année dernière, c'est un petit peu la même chose qui est arrivée. Février était très, très doux. Mars aussi. Oui. Et là, on a eu une grosse tempête de neige en mars, rappelez-vous. Ouais. Souvenir. Oh mon Dieu. Je pensais surtout au retour de la Floride en voiture, mais et la tempête de neige qu'on a connue l'année dernière en mars. Bien, on a une tempête majeure qui devrait frapper en début mars, qui devrait être du même type que celle qu'on a connue l'année dernière en fin mars. Les bulletins de séjour à météo sont pas fiables. Fait que je sais pas pour le mois de mars. On va devoir revoir tout ça. Oui. Vers la mi-saison de l'hiver et la fin de la saison, savoir qu'est-ce qui a été vrai, qu'est-ce qui n'a pas été vrai. Et sachez, tu sais, on en a discuté un petit peu avec tout ce qui se passe, là, les feuilles dans les arbres, le changement de couleur dans les arbres, le gazon. Le printemps va être retardé. De beaucoup, en fait, à cause de tout ce qui est arrivé, les grandes températures qu'on a eues très, très chaudes, un retour, en fait, du vortex polaire qu'on va voir là, pendant la saison d'hiver au Québec. Donc, les amateurs de ski, c'est sûr que présentement, vous êtes contents de la température qu'il y a. Mais est-ce que tout ça va vraiment se réaliser? On sait pas. On verra. On va voir. Et c'est un petit peu pour ça que je vous l'ai dit. Gardez-la en tête. On s'en reparle. Monsieur Brillant, on va voir si tu l'étends que ça. Exactement. Ça. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Ouais, chronique sur l'hiver, hein? Le bulletin météo de 15 minutes versus ce qu'on vous offre ailleurs. Ici, c'est pas mal plus pertinent, hein? On prend une pause. Au retour, le blog des palmarès c'est fou et un autre petit sujet de ta part. Ben oui. Un petit sujet. Un petit, petit sujet. Bon. Aujourd'hui. C'est fou! 89. Assemblage Wiki pour toi aujourd'hui. Bonjour Assemblage Wiki en ce mercredi matin 13 décembre 2017. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Dans quelques instants, on va faire le bloc des palmarès c'est fou. On a un troisième sujet, pour ta collègue qui s'en vient. Qu'est-ce que tu nous prépares? Eh bien, je vous prépare quelques petites activités que vous pouvez faire au Québec avec cette température-là. Hey, c'est-tu cute, ça? Genre, pense à vous. Genre aller, je sais pas, dans une petite fontaine, aller récolter de la monnaie, genre, comme faire du penny diving. Oui. Pas, on écoute Stella avec ce penny diving, je sais pas. Penny diving, c'est ce que je dis. Penny diving. Ben oui. That's it. C'est ça. le band de la formation Penny Diving et la pièce Stella. Et maintenant, toujours à Assemblage Requis, c'est l'heure d'aller rendre visite au palmarès. C'est fou. C'est le bloc et les palmarès, c'est fou. On se fait une petite chronique par rapport à la musique de nos palmarès. Aujourd'hui, on retourne dans le... Non, oui, c'est retourne. Oui. Oui. Oui. J'étais plus sûr de ce que j'avançais. Oui, oui, on retourne dans le passé avec notre bloc nostalgique, c'était fou. C'est-à-dire des pièces qui proviennent d'une semaine dans l'histoire de C'est fou. C'est le 20e anniversaire cette année. Donc, on a bel droit, hein, un moment donné. Ben oui. Bel droit de célébrer un peu. Écoute. Hein, c'est ça. Wouhou! C'est ça. Ben, c'était fou, là. C'était fou. On se recule à l'année 2005. Je vais, où je vais, le saurais-je. Je ne vais nulle part. C'était les numéros 1 de l'année 2005 en francophone de Stills avec Retour à Vega. C'était un simple et on se rappelle que The Stills était le numéro 1 anglophone. La dernière fois qu'on l'a fait, c'était fou. L'année 2004 en anglophone. Donc l'année anglophone, numéro 1 et francophone l'année suivante. Bref, Retour à Vega, c'était numéro 1 pendant 10 semaines. Et en anglophone, bien sûr, Weezer. Oui, on jouait du Weezer à l'époque. We Are All on Drugs sur l'album Geffen. C'était numéro 1 en mai et en juillet. Et ça fait super bien après la chronique de Sébastien F. Gartin qu'on a eu en première heure d'émission, n'est-ce pas? Mm-hmm. Voilà donc pour C'était fou, on fait un bloc des palmarès C'est fou quand ça adonne. Et maintenant, ben, c'est le moment de terminer presque l'émission avec Tania Baudin et une autre portion de Tania is gonna entertain you. Est-ce que je chante encore? Ah oh, non, t'es pas obligé, Donc, Tania, on parle d'activité hivernale. Oui, certainement, parce qu'il me reste bon quelques minutes pour vous donner quelques idées et c'est des sports d'hiver. Parce que bon, on connaît le ski, on connaît le snow, on connaît le patin à glace, mais parfois on cherche peut-être d'autres sensations fortes et on se dit que ça peut être difficile au Québec, mais non, sachez-le. Parce que si vous allez du côté de Québec, par exemple, vous allez pouvoir faire du canoë à glace. Hein? Oui, ça se passe sur le fleuve Saint-Laurent, en plein centre-ville et plein centre-ville de Québec, là, je tiens à le mentionner. Et c'est possible de faire du canoë sur glace en admirant le magnifique paysage qu'est Québec. Et l'équipement et l'aide à la rame sont fournis. Alors, vous n'avez aucune crainte si, par exemple, vous n'êtes pas nécessairement super bon en canoë. Mais vous pouvez très bien faire ce genre d'activité-là l'hiver. C'est sûr qu'il faut être bien habillé. Et c'est une activité qui se fait bien en gang de quatre, par exemple. Parce que selon le type d'embarcation qu'ils ont, ça semble être deux ou quatre. Donc, si vous y allez en gang, par exemple, ou en activité de couple double, eh bien, c'est une occasion quand même assez, assez incroyable de pouvoir découvrir autre chose que le vieux Québec qu'on connaît si bien à l'intérieur de la ville. Là, au contraire, on est sur l'eau et on découvre en faisant de l'activité. Fait que je crois que c'est un mélange qui est quand même assez incroyable. Sinon, bien, faire de la luge, ça peut sembler anodin, mais je pense que c'est hier, on a parlé de crazy carpet. Ouais. Souvent, c'est les trucs que tu mettais sur les genoux pour glisser. Oui, exactement. Hier, ouais. Souvent, on ne pense pas nécessairement à faire ce genre d'activité-là lorsqu'on est rendu un adulte. On pense à aller skier, on pense à aller faire du snowboard, mais de la luge et du crazy carpet entre amis, en gang. Je pense qu'il n'y a pas quelque chose qui peut être aussi drôle et aussi loufoque que ça. C'est sûr que faites attention pour ne pas foncer dans des enfants qui vont vouloir dévaler les mêmes pentes que vous. C'est peut-être parce que les pentes sont moins abruptes maintenant qu'on est rendu grand, mais c'est sûr que si vous décidez d'aller, par exemple, du côté du massif de Charlevoix, bien, vous allez en avoir pour votre argent parce que là, ce sont des pentes qui sont incroyables et vous pouvez justement faire la location de luge. Si vous voulez le faire ici en Mauricie, c'est pas très très compliqué non plus. Une luge, c'est pas super dispendieux et encore moins pour un crazy carpet. Je me souviens, dans le temps, il y avait aussi des espèces de petits ovnis. Là. Oui, les soucoupes. Les soucoupes. Ouais. Et on pouvait glisser là-dedans aussi. Un c'était quoi? Genre, c'était comme 4 piastres, une soucoupe de même chez Dolorama. Ça devait pas être ça, il y avait pas de produit à 4 piastres chez Dolorama. C'est vrai, ça devait être une dollar. Une piastre. Donc, tu sais, dans le temps des fêtes, on pense pas nécessairement souvent à sortir de chez nous pour faire autre chose que de regarder des séries. Mm-hmm. C'est le genre d'activité qui peut être le fun aussi à faire avec ses neveux, ses nièces, des petits cousins ou même si on a toute la famille rassemblée dans la même ville pour une fois, bien, ça peut être une très belle activité de famille à aller faire. On dévale des pentes puis ça passe une bonne partie de la journée. Sinon, faites comme Roy Moore, aller chercher les enfants des autres. Il est terrible. Il est terrible. Sinon, bien, vous pouvez faire... je sais pas comment décrire ça, en fait. C'est des chiens de traîneau. Traîneau à chien, je pense. On fait pas des chiens de traîneau, mais on fait du traîneau à chien. C'est ça. En Mauricie, vous en avez aussi du côté de l'hôtel Sakakomi. C'est sûr que c'est un petit peu plus loin, c'est un petit peu plus haut. Mais ce qui est le fun dans tout ça, c'est... En tout cas, moi, la dernière fois, je suis allée à l'hôtel Sakakomi, il n'y avait pas de réception cellulaire. Ah bon? Donc, ce qui est plaisant, c'est que justement, vous êtes dans la nature. Vous avez l'opportunité de passer une journée incroyable. Vous allez pouvoir faire du traîneau à chien. Et bien évidemment, juste se promener souvent dans une pourvoirie de ce style-là ou dans un... sur un terrain comme celui qui est l'hôtel Sakakomi, bien, c'est vraiment beau. Ça fait des photos incroyables. Ah, puis si vous êtes juste genre à vouloir faire de la marche l'hiver, allez-y, là, ça vaut vraiment la peine. C'est un très beau décor. Et en plus, vous allez pouvoir prendre des photos avec les chiens. C'est ça. Puis en plus, les chiens, au pire, si vous n'avez pas de téléphone cellulaire, vous pouvez leur envoyer le message sur le chien. C'est comme dans le temps. Hein? C'est comme dans le temps. Dans leur petit collier. Puis exactement. Tu l'envoyais, puis là, la personne. C'est ça. Ouais. Le dernier que je vais vous présenter, c'est de l'escalade sur glace. Ah oui. Ici, à Trois-Rivières, on le sait, ça existe. C'est près de l'autoroute. C'est pas super loin. C'est pas Mahican Aventure. Le Mahican Aventure. C'est pas super cher non plus. Donc, vous allez pouvoir faire des montées, mais aussi des descentes de glace. Donc, c'est très intéressant. Si vous avez le style d'être accro à l'adrénaline, bien, c'est le genre de mélange parfait pour, justement, une activité hivernale. Ça se fait très bien à deux, encore une fois, comme ça peut se faire très bien tout seul. Sachez que les activités d'hiver, c'est pas nécessairement obligatoire d'être avec quelqu'un, OK? Si vous, vous avez le goût d'aller faire de l'escalade à glace tout seul, bien, vas-y tout seul avec deux écouteurs dans les oreilles, puis écoute ta musique, puis escalade, là. C'est tout aussi simple que ça. En autant que vous ayez du plaisir. Puis, il faut se rappeler aussi que les sports d'hiver, ça reste dans la simplicité. C'est pas... ça peut être aussi la même chose du côté de l'été, là. C'est pas nécessairement contraire à la saison. Mais le plus vous allez rester simple, le mieux vos moments vont être exceptionnels. Voilà. Ça coûte moins cher, ben oui. Ben oui, ça coûte tellement moins cher. Cool! Merci beaucoup, Tania, pour ces petites suggestions d'activités. Ça fait plaisir. Tu nous as rempli, genre, exactement le temps qu'il fallait. T'es tellement bonne. As-tu fait ça? J'ai calculé mon temps. C'est ça. Nous, ça va être la fin pour Assemblage Requis pour aujourd'hui. On a eu du plaisir ensemble, comme toujours. On remercie Sébastien F. Gertin pour sa chronique en début d'émission, le bulletin Gertin. Malheureusement, bon, on n'a pas eu Alex Marchand, qui va être de retour éventuellement avec Dans ma tête. On n'a pas eu David Ferron non plus avec sa chronique sur le campus. On n'a pas eu Marc Lachance avec sa chronique de folerie humaine. On a eu Mathieu. Mathieu, et on a eu Tania. Exactement. Aussi, et on a eu du plaisir. Bon. On était contents d'être avec vous ce matin, de remplir les 2h30 qui nous restaient. Ben oui, on va remplir un autre 3h demain à l'émission. Donc, on va avoir en ce jeudi. En ce jeudi. On n'est pas jeudi aujourd'hui, en fait. Non. En demain. En demain. Catherine Langlois et sa chronique Voyage à 8h30. Et puis, évidemment, une grosse pointe en dresse à 9h30. On se retrouve donc demain à 7h. Et aussi demain, on vous le rappelle, entre midi et 15h, Assemblage Requis présente la rétrospective 2017 de C'est fou à 89,1 FM. En musique. En musique, bien sûr. Donc, c'est ça. Sous nos ondes. Oui, oui. Midi 3, oubliez pas. Oui, c'est ça. C'est jeudi. Sinon, demain matin. Jeudi. Sous nos ondes plus tard aujourd'hui, je ne sais pas trop. Hein, parce que c'est la fin de session. Moi, je serai là à 15h pour le Mathieu Plante Show. Je crois que écoutedonc.ca va être là aussi. Ah, pour vrai? Wow. Oui, j'ai cru voir un post tout à l'heure. Automatique va être là à 17h avec de la musique électronique. Et puis à 18h, comme tu l'as dit, écoutedonc.ca. On se retrouve demain à 7h. Bonne journée! Bon café, tout le monde. Bye! Bye.